Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman avec, mais c'est avec le poisson. Ouais. Y'a rien qui se fait normalement avec toi, y'a rien, rien. Je te jure, je vais arrêter parce que je... Ouais, non, mais vas-y, vas-y, mais te gêne pas, juge-moi. Toi qui es tellement parfait, tu peux te le permettre. Oui, oui, c'est l'hôtel des voyageurs. Excusez-moi, hein, monsieur, je vous réveille, là, certainement. Non, pas du... Bien. Bon, ben, c'est le principe. Bien. Est-ce que par hasard... Eh ben, bravo. Bravo, monsieur, bravo. Non, ben, vous êtes gardien de nuit, quoi. Si tout le monde faisait son travail correctement, j'ai bien compris, monsieur, maintenant. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Une chambre? Ben oui, c'est un peu pour ça, hein, que j'ai... Ben voilà, je me suis dit, tiens, un hôtel, pourquoi pas, finalement. J'en ai parlé à Antoine. Et bien qu'il me dise le contraire, j'ai franchement l'impression que... Il est en train de profiter de vos sentiments, de votre sympathie pour moi, je sais pas. Mais... Attendez, je comprends pas, là. Il profite de mes sentiments pour vous, c'est-à-dire... J'aime ses peintures, je les achète, voilà, c'est tout, je vois pas où est le problème. Ah bon, ben d'accord. C'est pour ça que vous êtes venu. Et vous, vous pensiez que je les achetais pourquoi? Vous pensiez que c'était pour vous plaire? C'est ça? Pour me faire bien voir? Je sais pas, peut-être. Vous avez pas imaginé une minute que ça pouvait être par goût? C'est l'opinion que vous avez de moi? Plaisir, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Ça y est, on refait des Floodcasts ensemble. Ça y est, en présentiel. En présentiel, parce qu'en fait ouais. On a fait 2-3 émissions à distance. Et bon, c'est sympa, mais à plus de 2 c'est une catastrophe. Donc on est quand même content de... Et déjà même à 2, pas loin d'être une catastrophe en vrai donc, ouais, un début de fiasco. Donc ça fait très plaisir. Je suis avec Adrien et 3 invités que je m'en vais vous présenter. Elle est humoriste, elle a joué sur scène plusieurs spectacles, dont le dernier en date s'intitule La lesbienne invisible, écrit et mis en scène par Océan. Elle s'est récemment illustrée en lançant plusieurs podcasts couronnés de succès, il faut le dire. Tout d'abord Parodicast, qui comme son nom l'indique très bien, parodie les podcasts. Mais aussi Vulgaire, qui comme son nom l'indique lui aussi très bien, décidément très forte en titre. Elle vulgarise des sujets auprès de ses auditeurs. Et là où j'ai été nommé YouTuber de l'année 2014 au Web Comedy Awards, elle a été lauréate du prix Révélation Radio France au Paris Podcast Festival, un poil plus prestigieux. C'est Marine Baus. Oh oui. Merci, merci. Ouais, merci beaucoup. Écoute, auteur, compositeur, interprète de 4 albums, dont le dernier Paradis vient de sortir, mais est déjà un franc succès, décidément que de la win dans ce podcast. Il devrait être en concert en 2021, on croise tout ce qu'on a dans toute la France. Et là où j'ai été nommé YouTuber de l'année 2014 au Web Comedy Awards, il est nommé aux Victoires de la Musique pour le meilleur album de l'année, un poil plus prestigieux, c'est Ben Mazué. Bravo. Comédienne, auteur et humoriste, on l'a vu au cinéma dans Adopte un veuf, L'école est finie ou encore Victor et Célia, à la télévision dans Bref et plus récemment dans l'excellente série Tétard que j'adore, que je vous conseille, ou bien sur scène. D'ailleurs, moi j'ai été nommé YouTuber de l'année 2014 au Web Comedy Awards et elle a été nommée au Molière, un poil plus prestigieux pour Amour, son dernier spectacle que tu es censé reprendre aussi en 2021, si tout va bien, que tu as déjà joué pas mal de fois quand même. J'ai joué 2 mois et demi à Paris. Ouais. 2 mois et demi. Et donc après, l'idée, c'est de faire une tournée quand même. C'est l'idée, ouais. Magnifique. Il s'agit de Béranger Krief. Ouais. Merci. Auteur et comédien, mais surtout créateur de tendances, il a été un des premiers. Il a été un des premiers à mettre sa casquette à l'envers début 90. Il est l'inventeur de l'expression c'est un dos et a été early adopteur du Covid-19 tout début mars. Avant que tout le monde ne le copie, le vaccin est contenu dans sa salive. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est Adrien Méniel. Ah ouais, merci. Les amis, comment allez-vous? Est-ce que ça va? Tu veux dire à part le fait qu'on n'ait pas de travail? Dans l'ambiance, en termes d'ambiance. Ah oui, très bonne ambiance, oui, par oui, contre. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un peu le sujet aussi. Je me dis, en fait, c'est marrant parce que c'était un peu le truc de critiquer 2020. parce que c'était pas ouf sur plein d'aspects. Est-ce que vous, il y a quand même des trucs bons à tirer? Est-ce que vous avez tous sorti des trucs en 2020 en plus quand même? Il y a eu des chouettes expériences en 2020 ou on est plutôt sur du négatif quand même? Bah, y a une... Moi, j'ai une super lancée janvier-février. Mon spectacle, j'étais sur scène, c'était vraiment super. À partir de mars, je peux pas dire que c'était ouf. Pas un truc bien à partir de mars. Il n'y a pas eu des trucs ouf. Ben? Oui, quand même. Un peu à la sortie d'album et tout, c'est agréable de sortir cet album. Après, moi, j'ai trouvé que c'était une année où... où il fallait apprendre à s'adapter, tu vois, plutôt que, et donc ce qui faisait quand même la part belle aux gens qui savent s'adapter plutôt qu'aux gens qui savent bien s'organiser. Et je crois que je fais plutôt partie de ceux qui s'adaptent plutôt qu'ils s'organisent. Donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être une année pour moi, finalement. Et est-ce qu'on y croit à 2021? On y croit dur comme fer? Ah là là, c'est mou, c'est terrible. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Non, mais là, au cœur de janvier, on ne peut pas faire de pronostic, en fait. Là, okay. Déjà, on va passer janvier parce que c'est un mois qui déjà ne sert à rien. Ouais. Si on est après les fêtes de Noël, avant les vacances de février. Il y a la galette des rois qu'on est obligé de manger tous les jours. Ouais, et c'est trop. On est obligé. Bah, franchement, partout. Je suis même surprise qu'on n'ait pas une. Et voire presque un peu déçue, excuse-moi de te dire. La galette des rois, voilà. Moi, j'aime pas la galette des rois. Je suis pas de la team frangipane. Il y a des teams frangipane autour de la table. Ouais, moi, j'aime bien sûr. Ah ouais? Ah putain, bah, je suis seul. Moi, s'il y avait pas la fève, je n'en mangerais pas. En fait, c'est vraiment le défi, c'est vraiment d'avoir la fève. L'occasion d'avoir l'attention sur soi quelques instants, c'est vraiment le seul. C'est la seule raison pour laquelle je mange la frangipane. Sinon, je ne vois pas l'intérêt, ce n'est que du gras sous une forme un peu rigolote. C'est un petit peu ma description. Sur Tinder. Chers amis, nous allons nous pencher sur l'actu. Nous allons nous pencher sur l'actu comme sur le rebord d'un bateau pour vomir, mais pas n'importe quelle actu. Il s'agit de l'actu podcast. Ah oui, un petit jingle. On n'a pas du tout volé à M6. Zone interdite, non. Non, c'est le 6 minutes, c'est les infos. C'est les infos d'M6. Ah oui, parce que zone interdite, c'est le 10. Vraiment, très très mauvais. C'est très dur de se tromper, tu as réussi. J'ai très mal deviné. Ouais. Connaissez-vous l'histoire de Joe le pigeon? Alors, Joe le pigeon a une histoire complètement folle. Il a un nom. Il a déjà incroyable point. Il conduit un taxi. Ouais. Mais il va pas partout. Certainement, il déteste. Joe le pigeon, sachez qu'il risque l'euthanasie. À votre avis, quel méfait a-t-il commis? Il a volé quelque chose? Il a chié sur quelqu'un d'important? Il a pas respecté les distances de sécurité. Écoute, tu t'approches, c'est pas vraiment ça. Mais en vrai, t'es pas si loin. On est dans une ambiance Covid. Ambiance Covid. Attends, mais Ambiance Covid dans de... J'ai pas Dream. Dans d'apatride. Il revient d'Angleterre. Tu t'approches assez dangereusement. Ah, il a volé d'Angleterre en France. Ouais, c'est ça. Alors pas en France, parce qu'en France de toute façon il y a déjà le Covid. Nouvelle-Zélande. En gros voilà, c'est ça. Il serait parti des États-Unis, pas d'Angleterre, mais pour aller en Nouvelle-Zélande. Et comme vous le savez, en Nouvelle-Zélande, le Covid a été éradiqué. Ça, ils reprennent des concerts par exemple en Nouvelle-Zélande. Oui, bon. Bon, il se la joue un peu en Calmos. Nouvelle-Zélande. Et du coup, en fait, le pigeon a été accusé de ramener le Covid. En fait, donc il a été Comment ils ont su? C'est ça, qui venait des États-Unis. J'imagine vraiment en train d'interroger un pigeon. Remarque, il a un prénom, il a peut-être un passeport. Ouais, c'est ça. Il a toussé pas dans son coude. Non. Ouais, c'est pas ton passeport, c'est pas toi sur la photo à la tête. Ouais, ok. Je m'appelle Joe. C'est moi. En vrai, c'est Jonathan, mais vous pouvez m'appeler Joe. Non, en fait, c'est pas parce qu'ils ne savent même pas s'il ramène le Covid, mais en fait, il a une petite bague. Il avait une petite bague plus, à la patte. Juste par coquetterie, hein. C'est pas du tout un truc pour une grosse bague texane, un peu. Avec un aigle. Ce qui est en oiseau de l'appropriation culturelle. Bah, c'est le bad boy des pigeons, hein. Ouais. C'est comme ça qu'on connaît. C'est un biker sur la route 66. Et en gros, le truc, c'est qu'il a la bague qui indique qu'il vivait aux États-Unis, donc potentiellement porteur du virus. Sauf que ce pauvre pigeon qui a failli être. Une fois, euthanasie a été sauvée, car apparemment un ornithologue, quelque chose comme ça, a vérifié et c'est une fausse bague. Donc en fait, attends deux secondes, ça veut dire qu'il y a un mec qui bouffait un sandwich, qui a regardé ce pigeon, qui a dit celui-là il est pas néo-zélandais. Non, et en fait, c'est comment ils ont. Il était pas blond. Non, mais d'ailleurs. Il y a quelqu'un, c'est le job de vérifier. C'est comme s'il y avait des. Tu sais, comme les avions, les voies aériennes pour les pigeons, quoi. Il fait, oh là là, attends, celui-là, là. Celui-là, il est pas de chez nous. Ouais, je l'ai pas vu, il est pas prévu. Bah non, mais dites-vous que c'est ça, en fait. Ils vérifient, en gros, quand il y a des oiseaux, il y a des gens qui sont payés pour vérifier d'où ils proviennent. Mais comment tu chopes un pigeon, déjà? Bah écoute, moi, je sais pas. Genre, tu vois un pigeon sur un toit, tu fais, bah tant pis, il a peut-être le Covid, mais qu'est-ce que je fasse, quoi. Cela dit, à Paris, tu peux les attraper à la main très facilement, ils se débattent même pas. C'est-à-dire que tu peux les choper par terre. N'exagère pas. Ah, ils ont quand même beaucoup avec, moins peur, j'ai l'impression. Avec une, fin, oui. Avec une fin de panini, tu fais ce que tu veux. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit un pigeon qui est par terre et tout, machin. Mais en l'occurrence, c'est Joe, et Joe, il est à l'aise avec les hommes. Ça, c'est vrai qu'il est très à l'aise avec les gens. Il fuit son pays. Peut-être qu'il surveille aussi leur espace aérien. Oui, c'est ça. Mais ça fait beaucoup de travail pour pas avoir le Covid quand même. Ouais, ouais. Surtout qu'a priori, les oiseaux transmettent pas le Covid, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup. Se faire chier. C'est beaucoup, vraiment quoi. De la merde cette anecdote. Écoutez, c'est Le Parisien. J'ai payé un abonnement, d'accord. Moi, vous pas de ma gueule. Je hais les Néo-Zélandais désormais. C'était ça le but. En fait, c'est un colombophile qui a dit qu'il n'appartenait pas à une race de pigeons élevés pour. Il a enquêté. Du coup. J'aurais pas du tout pensé que colombophile, ça voulait dire ça. Il a enquêté. C'est ça. Oh, colombophile. Oh, on peut l'applaudir. Il l'a répété deux fois. Ouais. Moi, je l'ai pas compris. Colombo. Oh, wow. Tu vois, t'as envie d'applaudir. Tu vois. Ah, directement. Je l'ai répété, mais j'ai eu deux applaudissements. Ça valait le coup. Pendant le Covid, quel service a proposé un Japonais de 37 ans pendant quelques mois? Et il s'est fait énormément d'argent grâce à cela. Et ce n'est pas quelque chose de sexuel. Non, un Japonais du Japon? Un Japonais du Japon qui vit le restaurant à Tokyo, pas du tout. Est-ce que c'est un service qui se fait en face à face, de la restauration présentielle? Ouais. Ça aurait pas été ouf comme histoire quand même. C'est pas des vidéos, quoi. Non, c'est pas des vidéos. Il est en présentiel, il va chez des gens. Mais à votre avis, que vient-il faire? Sachant que si donc vous c'est un truc. Est-ce que c'est un service qui, je veux dire, c'est concret, genre il y a des objets et tout, ou tu vois, genre de la bouffe, c'est concret? Est-ce que c'est un service, un massage, ou plutôt Ah, tu me poses une colle. C'est-à-dire que c'est concret, mais il y a pas vraiment, il y a pas besoin d'objet, mais c'est quelque chose où il est là. Quoi, est-ce que c'est il tient compagnie, genre? Écoute, j'ai envie de te l'accorder. C'est trop vague. Bah justement, en fait, il propose d'être loué pour ne rien faire. C'est-à-dire que c'est juste qu'il est là, mais il l'a dit. N'attendez absolument rien de moi, je vivrai avec vous et c'est absolument tout. Oh, c'est génial. Il enregistre à peu près 3 ou 4 clients quotidiennement, se fait payer 10 000 yens, ce qui fait 80€, plus les frais de voyage et les repas. Depuis qu'il a commencé, il a honoré 3000 contrats au Japon, ce qui est quand même énorme. Au potentiel client intéressé par ses services, Shoji Morito prévient non, bien non. qu'il. Morito ? Morito. Non, c'est encore un faux. Morimoto, autant oui, pour moi. Prévient bien qu'il. T'as vu, d'un coup, tu t'achètes plus. Prévient bien qu'il ne pourra rien faire d'extraordinaire, sa présence se limitera à manger, boire et donner des réponses simples. Comme Roselyne Bachelot au gouvernement, j'ai envie de dire. Tu m'as dit ça ressemble aux grosses têtes, j'ai tout donné. Alors, faut être un petit peu plus homophobe, un peu plus sexiste, un peu, si c'est les grosses têtes vraiment. Prends ça, Roselyne. Le trentenaire a donné quelques exemples d'utilisation de son temps en présence, aux côtés des clients. Ainsi, il a été embauché pour déjeuner, poser pour des photos sur Instagram, accompagner une personne demandant le divorce, ou même attraper des insectes dans un parc. Oh, mais il fait des trucs quand même. Oui, mais simple. Attraper des insectes, c'est comme les pigeons, c'est ça, ça s'attrape facilement. Plus étrange, un homme l'a engagé pour décrire un meurtre qu'il avait commis, un autre pour qu'il l'emmène sur le lieu où il avait fait une tentative de suicide. Une autre fois, Morimoto s'est contenté d'écouter des soignants évoquant leurs problèmes de travail. Donc, c'est très large palette, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est assez joli. Moi, je trouve il y a parfois un mot dans les déclarations d'amour qui consiste à dire viens, on fait rien ensemble. Tu sais, il y a ce truc-là. Ouais. C'est quand t'arrives à faire rien avec quelqu'un, c'est très beau. C'est très vrai. Mais là, tu dois payer quand même. Mais là, tu fais rien avec Morimoto, quoi. Oui, c'est cool. Ça. Sans sexe, quoi. Il précise. Enfin, c'est un psy, quoi. Le mec, ok, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Il précise, je ne suis pas un ami ou une connaissance. Ça libère de toutes les choses ennuyeuses qui accompagnent les relations, tout en me permettant de soulager le sentiment de solitude des gens. Voilà, l'homme est marié et a obtenu un diplôme de physique. Je peux comprendre. Ah oui, d'accord. Non, mais attends, parce que moi, je le voyais dans des familles, mais en fait, c'est pour quelqu'un qui est seul. Bah oui, sûrement. Parce que moi, je l'imaginais, je me disais, t'es là, t'as tes gosses et tout, puis t'as Morimoto sur le canapé. T'es dans le canapé. Pour la spie, je lève pas mes jambes. Je lève pas mes jambes. Non, mais ça traduit d'une vraie solitude qui a eu lieu pendant ce Covid. Vous comment vous gérez la solitude de votre côté? Parce qu'on fantasme toujours la solitude de l'artiste quand il a besoin d'écrire et tout. Toi, Marine, par exemple, est-ce que être seule est un truc qui te fait peur? Est-ce que c'est un truc que tu vis plutôt bien? Je le vis pas trop mal. Ça va, je fais mon petit bazar. Je m'occupe, quoi. Mais Fin de mon intervention. Non, mais ça a évolué, t'as toujours été comme ça ou est-ce qu'au début... Parce que moi, il y a plein de... Non, moi, par exemple, j'avais peur à une époque de la solitude et maintenant je le vis beaucoup mieux, par exemple. Pour le deuxième confinement, par exemple, il a été question au moment que je sois toute seule, ça m'a terrifiée. Mais d'accord. Sinon, le premier, par exemple, ça me faisait pas... Ouais, mais sinon, la première fois, pas trop. Je pense que c'est des moments de la vie, on est plus ou moins en sécurité, on se sent plus ou moins bien, on a plus ou moins besoin de voir des gens. C'est vrai qu'à un moment, ça tirait un peu. Moi, c'est ce qui était bizarre, c'est le premier confinement, pareil, ça a été. Ouais, moi, ça. Et moi c'est aussi. Vrai que c'est quand ils ont commencé à rouvrir, mais pas vraiment les trucs, et en fait, tu savais pas si tu pouvais vraiment inviter des gens. En fait, ce truc flou, t'avais l'impression de pas profiter d'une liberté que peut-être t'avais quand même. Alors que le premier, c'était clair, en fait, il y avait un truc genre. On est tous comme ça. Mais moi, le premier confinement m'a fait du bien. J'en avais marre de rencontrer des gens. J'en avais marre de parler à des gens. Et vraiment, ça m'a reposé de juste faire off. Il y a que moi. Il y avait ma meuf aussi, mais bon, il y avait nous. Quoi. C'est oui, tout. C'est ça. Y avait pas de... Ah, donc t'étais pas toute seule. Non, j'étais pas toute seule. Mais moi, je trouve ça assez sous-côté, la solitude en général. Ouais. Quand quelqu'un te dit je me sens seul en ce moment, tu comprends qu'il va pas très bien. Alors qu'on dit jamais je me sens très en couple en ce moment. Alors que quand on peut se sentir très en couple. Je me sens donc, trop en couple. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de très agréable avec la solitude dans l'idée de liberté, de. Enfin, même moi, de repos, en fait. Avec ça, ouais. De repos. Toi, Bérangère, t'as eu besoin à un moment aussi de te retrouver un petit peu toute seule. Moi, j'avais beaucoup de mal à être seule. Je sais pas, après, la meuf qui dit quand j'étais petite. Non, mais moi, j'ai vécu dans une famille, on était très nombreux, on était toujours avec les cousins, c'était une espèce de tribu. Et en fait, être seule, c'était vraiment putain, ça va pas quoi. Et si tu t'isoles, c'est que ça va pas. Et en grandissant, en 2018, je suis partie toute seule en Australie. Pendant un mois, c'était pas non plus. Enfin, je suis pas partie avec un sac à dos et tout. J'étais dans de très bonnes conditions, mais j'ai eu vraiment besoin d'être mon propre guide et ça m'a vraiment aidée à vivre tout ce que j'ai vécu derrière parce que d'un coup, et puis j'étais dans cette solitude hyper loin de chez moi et je ne pouvais accuser personne de mon mal-être en fait, puisque je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire. Et c'était assez vertigineux, en fait, de te dire tu peux aller où tu veux, voir ce que tu veux, faire comme tu veux. Et en fait, je me disais, ah merde, parce que je me suis toujours emmerdée avec des communautés, avec et je me suis jamais autorisée à être toute seule et être bien. Et ça a été un tournant. Maintenant, je suis beaucoup mieux quand je suis seule et j'en ai besoin, en fait. J'ai vraiment grandi avec beaucoup trop de gens autour de moi et j'ai besoin des deux, en fait. J'aime le monde et j'ai besoin aussi de ma petite grotte. Mais il y a la question du silence quand t'es seule. Vous arrivez à être seule en silence, vous, chez vous? C'est-à-dire sans ça bruit, dépend, sans télé, ça sans je radio sens, moi, je hurle non-stop. Non, moi, ça, non, oui, ouais. Je suis d'accord. Moi, il y a des... Quand je suis bien, je peux vraiment ne pas allumer la télé... ne pas écouter de musique et tout. Et puis, quand je suis pas super bien, là, en ce moment, par exemple, je regarde Friends. Tu vois, je le mets en VF et ça me rappelle. Ah oui, là, ça va vraiment pas bien. c'est un peu la Madeleine, tu vois. Ouais. C'est ça. Il y avait beaucoup de gens qui. Et moi, j'étais un peu comme ça avant, de la télé en fond, où ça fait un peu. T'es tout seul, mais t'es quand même accompagné par des gens. Jean-Pierre Pernaut. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais même les trucs à la con, genre les anges et machin, bah ok, mine de rien, il y a des gens qui vivent leur life à côté de toi pendant que tu fais rien. Il y a Boris Boto, en plus, qui regarde. C'est agréable aussi. Oui, qui te fait un débrief. Il adore les anges. Grand fan. Mais que des réponses simples, il a dit. Hein. pas lui demander une profonde analyse non plus. Mais par contre, c'est vrai que rien faire tout seul, ça, c'est des fois, je trouve ça un peu vertigineux. Moi, j'ai quand même besoin de faire des trucs, tu vois. Genre vraiment rester là comme ça, assis ou allongé, très vite, c'est la déprime, pour le coup. Il y a besoin de, je sais pas, d'écrire ou de faire des, tu vois, Et tu trouves pas que quand tu sais que t'as un moment seul et après, tu sais que tu vas être avec des gens, tu peux profiter mieux. Là, dans le confinement, c'est vraiment des longs moments. Seul, tu vois, c'est ça qui est un peu angoissant. Mais si t'as des trucs, moi, si j'ai une journée et que le soir je sais que je vois des gens, par exemple, je vais profiter beaucoup plus de ma journée, quoi. Ah, alors moi, c'est l'inverse. C'est si je sais que le soir j'ai des gens, je vais encore moins envie de voir les gens. Enfin, tu vois, il y a un truc où là, je suis dans ma solitude, je suis bien. Ah oui. Et si je commence à me dire mais ça va s'arrêter au bout d'un moment, ça va me faire chier. Alors que je suis plus, à la limite, je préfère le je sais pas. Bah là, moi, ma meuf, elle est partie un week-end voir sa famille. Bah, je me le suis un peu dit, alors que j'adore ma meuf, mais il y avait un truc de je vais me retrouver tout seul deux jours. Et ça, du coup, j'étais content que ça arrive. Tu vois, mais ça, c'est drôle parce que dans le couple, je trouve que c'est jamais valorisé. C'est toujours. En fait, ça devrait pas vexer l'autre que tu te dises c'est cool, je vais me retrouver tout seul et que je vais profiter et je serai contente de te retrouver. De ouf. Il faut dire ça à la fin parce que sinon, effectivement, ça. Il faut dire je serais content de te retrouver. Je serais content de te retrouver, mais je suis content d'être tout seul. Ouais, mais ça, je suis assez d'accord. Nous, c'est ce qu'on s'est dit très vite. C'était de se dire non, mais c'est cool aussi d'être chacun. faire ça live, quoi. Un petit peu. Pas trop vite quand même, parce que là c'est quand même mauvais signe. Si c'est genre le premier jour par exemple, rentre en fait. Tu peux partir parce que là. Après c'est... le premier soir. Ouais. Écoute, franchement, prenons nos distances un petit peu. Voilà. Je pense qu'on a besoin de se retrouver un peu tout seul. Stéphane Thomas est quelqu'un qui chie un petit peu dans ce rock actuellement parce qu'il pourrait déjà être millionnaire, mais quelque chose l'en empêche, à votre avis. Mot quoi de passe Bitcoin. Mot de passe Bitcoin. Ah, vous avez entendu parler de cette histoire. Ouais. Effectivement. Stéphane Thomas, c'est quelqu'un qui a plusieurs bitcoins placés dans une banque, à savoir, enfin, je sais pas combien de bitcoins, c'est l'équivalent de 220 millions de dollars. Quand même. Coquette somme. C'est ça, la banque. C'est le terme. C'est à la banque postale, je crois, j'ai noté. en gros, il a 220 millions stockés sur un disque dur et il a oublié le code. Et en fait, effectivement, ça fait un peu scénario de film, mais il a 10 essais. Ce qui est déjà énorme, j'ai trouvé, moi, 10 essais quand même pour un mot de passe, il n'y a rien qui a autant d'essais, et il ne lui en reste plus que 2. Donc là, c'est un peu le stress, parce que s'il se plante sur les deux, il a évidemment oublié le mot de passe, et en fait... On ne peut pas faire mot de passe oublié. Non, on ne te demande pas le nom de ton premier chien. là, et du coup, il est vraiment, il y a zéro façon de récupérer ce mot de passe. Donc là, il est un peu en stress. Et mais voilà. Les chefs de Bitcoin, ils ne peuvent pas s'en occuper ? Bah, mais je sais façon, pas, c'est décentralisé quoi. Non mais, c'est ça, non, mais ouais. Tout dans, cette, dans le bitcoin, dans le terme, on dirait une blague. En fait, ah, c'est vrai ça. De quoi ? Trop vulgaire. Ah oui, des bitcoins. Rien capté, c'est vrai, c'est la crypto-monnaie en général, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai rien compris. Moi, c'est vrai que le bitcoin, j'ai non, pas compris. Non, juste moi, je. Ce sera l'objet d'un prochain podcast. On a hâte. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu sais, il y avait genre, faut investir maintenant, ça monte. Il disait, bon, bah là, ça a monté. Et avant, ça continue de monter. Donc, c'est vraiment, je ne comprends rien à cette monnaie. Je comprends rien de base au truc de la bourse. Hein. Pour moi, c'est vraiment un monde parallèle que je comprends pas. Là, pour moi, c'est des singes avec des ordi. Eh oui. Qui tapent au hasard. Non, mais voilà. Donc, écoute, s'il nous écoute, on l'embrasse. On l'embrasse très fort. On pense à lui. Et on lui dit, essaye 1, 2, 3, 4. Il y a des opportunités, vous, à côté desquelles vous êtes passé. Enfin, genre, vous avez vu des trucs, vous avez dit, ah là, j'ai pas pris le train en marche, merde. Ou peut-être, tant mieux, mais c'est peut-être pas envie d'en parler. Mais des trucs où vous vous êtes dit, ah là, j'y suis pas allé. Ah ouais. Toi, t'as déjà eu ça ? Moi, le premier album de Ben Lanclosol, il m'a demandé de lui écrire des textes et j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas fait. Tu serais riche. Il me dit, oh, c'est t'as dommage. Cru que c'était pour une pub pour Oncle Ben, c'est-à-dire. j'ai pas du tout regretté. J'aurais dû quand même. Au moins faire une proposition, tu vois, au pire. Oui, c'est ça. Ok, mais là, j'ai même pas proposé, je regrette ça, par exemple. je comprends. Adrien, toi ? Non, en revanche, le truc inverse, ouais. C'est on m'a proposé un taf une fois. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour qu'on se rende pas compte immédiatement de quoi il s'agit. Ouais, mais c'est pas une question de bip, c'est une question de on va deviner de quoi il s'agit. Non, mais en gros, on m'a dit... ça t'intéresserait de faire ça ? Et je me suis dit, oh ouais, pourquoi pas ? Puis en fait, j'ai zappé ou je l'ai pas fait, etc. Et il s'avère que la personne qui m'avait proposé ce taf avait en gros, vraiment volé l'idée à quelqu'un, quoi. D'accord. Et s'est pris vraiment un bad buzz pour un autre truc. Okay. Mais du coup, les deux trucs étaient liés et vraiment, j'aurais juste bossé sur un truc qui était un énorme plagiat. Ah yes. Du coup, j'ai dit, bah, j'ai bien fait de pas le faire. Ah merde, je vois pas ce que c'est, putain. Bah, je vous dirai après. Il nous le dira hors antenne et on lancera un Patreon pour que les gens nous donnent de l'argent. Et ainsi, on leur donnera évidemment les blazes. Car on adore le pognon. Marine, toi, c'est déjà arrivé quelque chose où tu te dis t'y es pas allé et tu te dis ah, peut-être c'était le moment. Parce que des fois, il y a un peu ce stress aussi de se dire je crois que c'est l'endroit où faut aller pour voir des gens ou machin. C'est des trucs un peu carriéristes. Moi, je sais que je suis très nul à ça. Non, j'ai pas eu d'opportunité. c'est bien toi la plus heureuse. Voilà, non, là, comme, franchement, je te jure, je réfléchis, je trouve pas. Mais tant mieux, tant mieux. Oui, ou tant pis. J'ai su monter dans le train. Oui. C'est beau. Non, je sais pas. Non. Non, mais si t'as pas. Ça fait deux fois que je te dis non. Laisse-moi tranquille. Une troisième fois. La solitude, c'est maintenant, là. Bérangère, non, toi non plus. Moi, j'ai failli avec bref. Ah ouais ? J'ai failli dire, mais les gars, moi, je pars en vacances, en fait. mais heureusement, il y a Harry Torgeman qui m'a appelé et qui m'a fait lire les textes. Ce serait vraiment dommage. Hein. Mais, après, c'était... C'est... Moi, dans ma famille, on dit toujours ce qui doit se faire, se fait. Donc, j'ai pas l'impression que si tu rates un truc, tu le rates vraiment, en fait. C'est que tu veux juste pas le faire, en fait. Et c'était ton chemin, voilà. Et tu prends ton petit chemin de la vie. Bah, voilà. Faut dire ça au mec des bitcoins, là, ça va sans doute faire beaucoup de bien. Tu vas pas du tout être agacé. C'était pas fait pour avoir 220 millions. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience, Stéphane Thomas ? Oui, c'est ça, c'est... peut-être qu'avec 220 millions, il aurait... Est-ce que tu serais plus heureux avec 220 millions ? Il aurait pris un jet. Moi, je serais plus heureuse avec 220 millions, moi, je le dis direct. Est-ce que t'es pas heureux dans ta Peugeot 205, là ? T'es bien, là, finalement. Elle aurait 220 millions dans le coffre. Et c'est cool aussi. Tu fais quoi ? Vous faites quoi avec 220 millions ? C'est énorme, 220 millions. C'est beaucoup. là là, je fais tellement de trucs. Je rachète l'Espagne déjà, apparemment. Je peux me permettre, visiblement. Je sais pas, je pense que j'achète une équipe de basket ou un truc comme ça. Ouais. Je sais pas, ouais, je sais pas. C'était genre mon vœu. Ouais, non, mais je sais pas. Et je mets vraiment des sponsors qui n'ont aucun sens dessus ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Moi, je crois que je rêve de marquer un but dans un stade rempli et que tout le stade se soulève. Ah mais ouais, attends, tu paierais pour ça? Du coup, je pense, bah oui, je paierais plein de figurants qui rempliraient le Stade de France, qui prépareraient des chants, etc. Ah, c'est je pas mal. Une équipe de potes, une équipe d'autres potes. J'aurais aussi des journalistes qui, tu vois, parleraient du sujet énormément. Truquerait le match. Ce serait retransmis, mais à personne, mais il y aurait ce type de retransmission. Ah, et tu veux pas le retransmettre? Ah. Bah, non, c'est juste pour nous. Et à un moment, je mets un but. Et à un moment, il y a tout le. Ah oh, ouais, tu mets tout dans un seul événement. Bah ouais, je pense, parce que après, sinon, ça complique la vie quand même. Parce qu'à un moment, t'as tellement de pognon. 220 millions, il y a rien. Tu vois, t'enfiles à tes proches, évidemment. Ouais. T'enfiles à ta famille. Sauf qu'il y en a un, il est pas assez proche, lui. Lui, c'est horrible pour lui. Lui, ouais. Attends, moi, non. Ben non, toi, non. Tu dis, toi, non, tu m'as pas invité à toi, un million, non. Mec. Non, non. Après, chaque fois, les gens qui viennent te voir, tu te demandes s'ils viennent pas un oui, peu. Oui, ça doit un peu fausser les relations, c'est sûr. Et pire encore, parfois, on va te demander d'investir dans des trucs qui vont marcher. Bon, t'es millionnaire, ça va jamais s'arrêter. Ah, le fardeau. Et donc, t'as une bonne expérience, t'as gagné au loto. Ouais, clairement, il est dans une bonne situation. Non, j'étais content que tu poses la question parce que j'y pense très régulièrement. le fils de Kadhafi, il avait. On salue d'ailleurs. Il doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Non, il avait justement, lui, il avait acheté une équipe de foot. Et il se faisait rentrer en tant que joueur. Ah ouais, c'est pas vrai. Mais il était nul. Il était pas du tout joueur de foot. Et du coup, juste, il se faisait rentrer. Il disait, putain, changer le match et tout. Donc, j'imagine l'état d'esprit des joueurs qui sont des professionnels et qui voient juste un gars horrible rentrer. Déjà, c'est le fils de Kadhafi en plus. Oui, c'est ça, tu peux pas trop critiquer. Tu peux dire, putain, mais la passe là. Pardon ? Non, non, rien. Non, non, rien. Dire, belle, c'est bien, elle est bien. Une super passe, je disais. Voilà. Toi, Marine, tu sais pas ce que tu ferais avec son. Tu poses la question, mais qu'est-ce que t'aurais envie de faire? En fait, moi, je me dis, oh, je produirais tous mes amis, je donnerais de l'argent parce que il y a plein de potes à moi qui ont plein de projets et tout. J'irais, tiens, je te donne de l'argent et tout. Mais en même temps, je crois que ça me frustrerait que les gens, ce soit pas leur destin, enfin, que leur destin, ce soit moi qui l'ai mis en. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça. Je veux tout garder pour toi. Non. Ouais, je veux tout garder pour toi. Non, mais tu sais, moi, je me dis toujours, ah, si j'avais de l'argent, je ferais ça et je ferais ça et je ferais ça. Mais je crois que ça m'énerverait aussi que ce soit pas par eux-mêmes. Ouais. Ouais, non, mais je comprends. Je peux comprendre. Voilà. Bah moi, je garderais tout pour moi. Donc c'est le gars qui assume beaucoup plus que toi. Et bah je te le donnerai. Tu sais quoi? Je te le donnerai. Bah moi, je crois que je me paierais pareil un petit tournage, un projet. C'est fou, c'est tout de suite le taf. Ouais, mais ouais, mais un truc de. Ça, c'est quand t'as 5 millions. Ouais. Non, mais c'est vrai. 220. C'est vrai, énorme. 220, c'est beaucoup. Moi, je pense que j'achèterais tous les panneaux publicitaires de Paris et je mettrais juste des opinions, mais pas très intéressantes de moi, ou des trucs qui m'énervent, ou tu vois. Mais tu sais qu'il y a une ville en France, je sais plus où c'est exactement, où en fait t'as un mec qui est riche dans la région et qui s'achète des panneaux pour mettre ses opinions politiques à lui. Ah, politique. Et c'est, mais c'est des trucs, tu sais, genre oui, Sarkozy, machin, mais c'est écrit en énorme. Et moi, c'est des vrais panneaux. C'est juste écrit oui, Sarkozy. Oui, Sarkozy. Et le mec, il s'achète ça. Ouais, il s'achète un panneau en permanence à l'année et il met ses propres trucs, il se fait kiffer, quoi. C'est marrant. Ça va mettre dans tout Paris. Quand je cherchais des pitchs de pub, j'avais écrit un truc comme ça pour la Française des Jeux, où tu mettais en gros un. C'était avec Baptiste Lambert, je me souviens. C'était juste un spot d'un gars normal. Tu disais, bah voilà, je me suis payé ça, c'est cool. Et en fait, tu disais pas ce que c'était. Et 15 jours après, tu disais. C'était pour la Française des Jeux, le loto, machin et tout, quoi. Mais en fait, ça, je crois que ça existait déjà. Donc je pense qu'on avait volé. C'était le plagiat auquel Adrien voulait pas participer. C'est ça. C'était celui-là. Depuis 3 ans, Jeanne Pouchin se bat contre la justice. À votre avis, pour quel motif? Elle veut changer de nom? Non. C'est vrai que Jeanne Pouchin, c'est un peu Groland. Elle se bat contre la justice. Contre la justice. Elle est un véritable bras de fer. Avec l'intégralité de la justice. Est-ce que le dernier juge qu'elle a vu avait plus de vis que le dealer de sa rue ou pas? Apparemment, visiblement, c'est ça. C'est okay. Jeanne Pouchin. Est-ce que ça a un rapport avec son nom quand même? Non, vraiment envie de te moquer de son nom. Son nom, c'est juste un petit plaisir en plus. C'est une vieille dame? C'est une vieille dame, comme son nom l'indique. Ah. C'est vrai que si elle avait 32 ans, ça serait plus surprenant. Bon, jeune. C'est quoi? Non, mais Pouchin, c'est vrai que Pouchin, ça fait un peu. Tu sais que les noms de famille, c'est vraiment. Non, quand t'es jeune, ça change. Parce qu'il met des Y à la place. Tu t'appelles Kimberley jusqu'à 18 ans, après ça, ça change. Et ça a un rapport avec son âge, son combat un peu? La santé? C'est très lié à la santé. Elle conteste un arrêt de la Cour d'appel de Lyon de novembre 2017 qui a acté quelque chose. Attends. Et elle n'est pas d'accord. Mais c'est pas un truc qui a été contre elle, si? Bah si, c'est contre elle. Mais attends, je comprends pas. Elle est en procès avec la justice ou elle est en procès avec un, je sais pas, un docteur qui lui a mal fait sa prothèse de hanche? Non, non. En fait, la justice a acté quelque chose sur elle et ce n'est pas vrai. C'est la cour. Elle conteste un arrêt de la cour d'appel. Donc la cour d'appel a dit Madame Pouchin, vous êtes ça. Elle a dit bah vraiment pas du tout. Et donc ça fait 3 ans qu'elle essaie de. Ah, elle est, elle a été. C'est pas un truc genre. Non, c'est la santé, tu dis. Elle a mangé du pangolin. Non. Elle a été jugée. Je ne suis pas responsable du Covid. Ça va. Elle a été jugée genre comment dire. Enfin, je sais pas comment dire. Comme Britney Spears, psychologiquement. Non, c'est pas ça. Oui, un peu comme Britney Spears. Démente ou un truc comme ça. Elle a dit bah non, je sais pas du tout. Pas du tout. Hein. Posez-moi des questions. Bah, voilà, je vais très bien. Est-ce que c'est genre elle a mis son appart en viager et ça fait tellement longtemps que du coup il faut qu'elle s'en aille parce que ça fait genre ça a été remboursé 4 fois et tout. Alors c'est une très bonne histoire, mais ce n'est pas ça. Mais quand même. On est sur des thèmes presque similaires. Le déremboursement du Dafalgan. Non. Putain, c'était ça, c'était, tu devais 30 points, 30 points d'un coup. Mais est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'elle est vivante depuis très longtemps? Alors pas depuis très longtemps. Ah, est-ce qu'ils ont pensé qu'elle était morte et enfin elle a été déclarée morte et en fait elle était vivante? C'est exactement ça. Elle a été déclarée morte. Elle reçoit fin 2017 la visite d'huissier à son domicile qui dit être là au sujet de feu Jeanne Pouchin et que ses ayants droit, son époux et son fils doivent régler des sommes dans le contentieux avec l'ancienne, avec une ancienne salariée. Elle a dit je suis allée voir une avocate qui m'a dit qu'on allait vite pouvoir régler ça. J'ai été chez mon médecin faire un papier disant que j'étais bien vivante, parce qu'il faut un médecin pour prouver que vous êtes vivante. Et ce document apparemment ne suffit pas étant donné qu'il y avait eu un jugement. Voilà, la justice a fait qui, non mais en fait non, mais... qui lui a fait une blague comme ça? Non, c'est la justice qui s'est trompée apparemment, tout simplement. Oui, mais pourquoi d'un coup ils se sont dit elle est vivante ou elle est pas vivante? On va dire elle est pas vivante. Apparemment c'est un conflit avec les prud'hommes, visiblement. C'était une histoire avec les prud'hommes. Ils ne disent pas qui l'a déclarée morte, mais c'est juste qu'il y a eu un conflit. Genre avec son les prud'hommes. Taf quoi. A dit, Ouais, c'est ça. Elle dit elle est décédée. Il y a un mec qui a dit je préfère la voir morte que. Elle est morte. Non mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi ça prend 3 putains d'années pour qu'on dise ah bah non. Vous n'êtes pas morte et enfin, voilà terminé quoi. Il faut un mot du médecin et c'est pas suffisant. Ça, c'est une fou, après-midi ça. En vrai. Pas trois. Tu sais, quand tu détestes quelqu'un, il y a souvent cette légende de dire tu lui commandes des pizzas chez lui tout le temps, il en a marre. Mm. Mais le déclarer décédé, ça, ça c'est un bon prank. Apparemment, c'est galère. Le c'est nouveau sweating. Je n'y ai pas cru, confie l'avocat de la quinquagénaire. Je ne pouvais pas penser que des juges. Quinquagénaire, ah oui. Elle n'est pas si vieille. Je ne pouvais pas penser que des juges prononcent un décès sans aucun certificat. C'est une procédure tout à fait rarissime. Je crois qu'à la cour d'appel de Lyon, c'est inédit. Une série Netflix est-elle en, en écriture à ce sujet avec Omar Sy? Un Espagnol fraîchement licencié, que je qualifierais personnellement de héros, s'est vengé de son employeur, à savoir l'usine Mercedes. À votre avis, qu'a-t-il fait? Alors, si tu le qualifies de héros, il a dû chier. Non, alors non, non, non, non, non, non, non. Non. Mais c'est vrai que si on jouerait aux amours, je comprendrais l'erreur. Mais non, mais pas tu du tout. Mais tu tapes sur la tête avec le. Je te taperai comme ça. Quand il redis parce que j'ai pas. Non. Espagnol. C'est un Espagnol fraîchement licencié qui s'est vengé de son employeur. D'accord. Et l'employeur, c'est l'usine Mercedes. Et à votre avis, qu'a-t-il fait? C'était un manu. Enfin, il bossait à l'usine. Ouais, exactement. Il bossait à l'usine. Il a volé tous les trucs, les petits. Les étoiles et les amis dans les cieux. Ah, les sigles, Mercedes. Le truc du dessus, les sigles. Non, pas du tout. Il a volé toutes les pièces pour se faire sa voiture chez lui. Pas du tout. Il a voulu voler des pièces, mais ça, il ne l'a pas fait. Enfin, il a voulu mettre la chaîne de production à l'arrêt. Il ne l'a pas fait, mais il a fait autre chose. Il a fêté son anniversaire dans l'usine. Non, ça aurait été plus sympa. C'est pas la mal. La plus mignonne. Et je me venge et je vais faire mon anniversaire. Tout le monde et tout. Alors là. Et je vous fais tous un cadeau pour qu'on ait tous des cadeaux. Ouais. Parce que même ça me met mal à l'aise. Parce que bon. Oh, j'ai fait des cupcakes, dit sa femme. Non, c'est quelque chose d'un peu plus violent quand même. Violent, ok. Ouais. Enfin, violent. Directement à l'encontre de la personne. Non, pas de personne. De l'entreprise. De l'entreprise. De l'entreprise. Vraiment, il y a eu de la destruction ou pas? Il y a eu de la destruction. Il a détruit des voitures. Il a détruit énormément de voitures, c'est il la bonne réponse. Il a pissé sur toutes les voitures. Il les non, a brûlées. Ça aurait préféré. Non, non, en fait. Ah, il les a conduites et il les a crachées. Bon, il a cassé quoi. Ouais, il s'est pas fait chier. En fait, il a loué un bulldozer. Ah, ah ouais. Il a fait irruption. Chez qui loue tout? Moi, je fais ça si j'ai 220 millions. Ouais. Juste, je vais casser des Mercedes que j'achète avant quoi. Mais... En gros, il a eu une très mauvaise surprise en fin d'année. Il s'est rendu compte qu'il est. Enfin, il s'est rendu compte, oui. Enfin, il a été licencié de son poste de l'usine Mercedes de Vitoria, donc en Espagne. Donc en fait il a même pas loué, pardon je me suis trompé, il a volé tout simplement un bulldozer et c'est il a GTA, fait irruption en fait, sur le site. Son but, j'adore la formulation, son but, tout démolir. Au volant du véhicule, le trentenaire a écrasé pas moins de 50 Mercedes classe V et Mercedes Vito. Selon le magazine Periodismo del Motor, les dégâts qui nous sponsorisent d'ailleurs, les dégâts sont estimés à 5 millions d'euros. Mais ça reste moins grave parce que s'il avait essayé de mettre la chaîne de production à l'arrêt, ça lui aurait coûté beaucoup plus apparemment. Mais attends, lui il va payer. Là je pense qu'il y a une. Peut-être qu'ils ont entendu son cri du cœur et qu'ils l'ont réemployé, tu sais pas ils ça. Ils ont dit bon, c'est pas guerre. Souvent, apparemment ça va pas. Ouais. Les combats entreprises salariés souvent finissent aussi bien. D'ailleurs. Oui, c'est vrai que souvent le mec le reprend. Vous avez déjà eu d'ailleurs des histoires reloues avec des salariés, avec des employeurs, pardon, avec des gens qui vous font travailler sur des trucs de plagiat peut-être par exemple. Voilà, entre autres. Non, je sais pas. D'ailleurs, dans le spectacle ou même dans vos métiers, vous faisiez quoi d'ailleurs comme métier? Vous avez tout de suite fait du spectacle ou toi Ben, je sais que t'as fait des études de médecine par exemple. Ouais, moi j'étais médecin à un moment. Ouais. T'as été médecin? Ah, t'as été médecin? Ouais. J'ai été médecin à un moment. Voilà. Une heure ou deux heures. Combien de temps? Jusqu'en 2015. Oui, mais à partir de quand? Tu sais, la médecine c'est un peu comme du compagnonnage. Tu commences au début, t'es un peu un imposteur, mais t'es tout de suite à l'hôpital et avec une blouse et tout, tu fais croire que t'es médecin. Les gens donc je dirais que ça commence. T'étais Morimoto mais avec une blouse quoi. Exactement. Commence en 4e, 5e année, donc j'ai fait ça pendant genre quand même bien 10 ans quoi. Ah ouais. Ah ouais, j'ai des anecdotes glauques. Et justement, t'as pas eu des trucs avec des supérieurs ou des trucs un peu relous? Je cherche quelque chose qui nous mette pas dans une dans un c'est ça. Dans une détresse palpable. Je vais trouver. Non, mais t'inquiète. En plus, en ce moment, avec la médecine, il y a pas un truc dark où on se sent pas bien. Marine, toi, t'as fait quoi avant de faire de la scène? Moi, j'ai travaillé chez Naturalia. Oh, ah ouais. Est-ce que t'as des prix toujours? Non, par contre, j'ai volé le dernier jour. Un bulle de un tableau. J'ai roulé sur tout le quinoa. Un tablier, voilà, je fais ma cuisine avec. J'ai fait des paninis et j'avais un employeur qui, avant, venait d'une grande entreprise. Genre, il était cadre et tout. Et on sentait qu'il dirigeait plein de gens avant. Et là, il avait ouvert une sandwicherie. Et il était très sympa, mais juste, il avait une passion, c'est qu'il avait fait plein de formations pour discuter avec les gens et pour toujours gagner. Et je pense que ça lui manquait, parce qu'en fait, au final, il râpait des carottes et il vendait des trucs, donc ça le faisait chier. Et donc, il avait fini par. Son kiff, c'était de prendre n'importe quel sujet et de débattre pendant très longtemps avec moi. Et en fait, c'était vraiment très énervant parce qu'il était genre 7h30 le matin, t'es dans les corayas. Et t'as un débat sur la peine de mort avec un mec et tu fais non, j'ai pas envie d'avoir ce débat. Tu sais quoi, t'as raison, ouais, franchement. Ça. La joute verbale. Exactement. Voilà, c'était mon anecdote. Bérangère, t'es bien. Moi, j'ai fait des petits boulots à côté de comédienne. Je travaillais dans une boutique à Lyon qui vendait plein d'objets de déco hyper drôles et tout, et je dépensais toute ma paye dedans. Genre la chaise longue, c'est un truc un peu comme c'était un peu comme la chaise longue, ouais. Okay. Et du coup, je passais ma journée à me dire après, je vais prendre ça. Et la pendule de Dali, mais qui donne vraiment l'heure. Ouais, non, mais c'était des Mais t'as pas une anecdote de spectacle pour enfants? Vous étiez partie dans une espèce de bois. Ah si, mais ça c'est... Oui, mais ça reste du spectacle vivant. Ah oui, ça reste du spectacle vivant. Je vais quand même un peu en fait m'entendre, elle a quand même lancé un truc. Elle est chelou, ton anecdote. Elle non, était... Si, le truc est dans les bois avec les gosses. C'était top, ça, je crois. Mais en général. Ça, c'est dark. Je jouais un spectacle pour enfants à Paris, et le directeur du café-théâtre dit on va aller jouer à Rouen, à la Maison des Forêts. Et sauf que la Maison des Forêts, on arrive et c'est vraiment une salle de un séminaire avec un vidéo proche. Le régisseur, il avait une multiprise pour allumer la lumière et tout. Et c'était cafard de ouf. Et on devait jouer pendant une semaine, deux ou trois fois par jour. On a tout annulé parce qu'il n'y avait personne. Et un jour, il y a un groupe, on fait « Ah, trop cool !» C'est ça, c'est cette anecdote, oui, je pense. On dit « Ah, super, il y a un groupe et tout. » Et en fait, c'était des ados, des meufs de 16 ans un peu à problème. Et du coup, on jouait un spectacle vraiment pour les enfants, quoi. Ah oui, d'accord. Donc c'était un peu « Allô, bonjour !» avec ta couronne. Elles sont là, ouais. C'était pas top, mais j'ai pas tout compris. Mais non. Et après en boulot, parce que ça reste de la scène, mais j'étais hôtesse au théâtre de Paris quand je suis arrivée à Paris. Donc je déchirais les tickets. J'ai fait caissière au théâtre Le Bout, là où j'ai commencé. J'étais caissière de Baptiste Le Caplain. Nous en a parlé dans ce podcast. Sûr, j'étais la caissière de Baptiste Le Caplain. C'est fou. Il faisait un gros carton et moi je faisais des gros trous de caisse. J'avais beaucoup trop de gens. Et j'ai fait 2 mois chez Starbucks à un moment donné. Alors, petite anecdote, parce que j'ai pas bossé longtemps. Puis il paraît que c'est dur Starbucks, hein. C'est une ambiance de taf. Alors, moi j'aimais. C'est mon côté contact humain. Mais alors, j'adorais parce que souvent je commençais tôt le matin et j'adorais me lever très tôt. Et j'aimais voir les gens, je voyais souvent les mêmes gens qui venaient, tu sais, ils venaient juste avec leur carte bleue, ils avaient fait leur footing, tu sais, la journée démarrait, machin, nanana, donc j'aimais bien. Mais il n'y a pas très longtemps, en fait, dans mon ancien quartier, il y a un mec qui me donne un tract pour une boutique ou je ne sais pas quoi, et il m'arrête et il me dit « Excusez-moi, vous êtes Bérangère Clef ?» Oui. Il me dit « Je voulais vous poser une question, est-ce que c'est vrai que vous avez bossé chez Starbucks ?» Je fais « Ouais ». Il me dit « Non, parce que j'ai dit pourquoi ?» Il me dit « J'ai fait un entretien d'embauche là-bas et ils m'ont dit « Vous savez, même Bérangère Krief, elle a travaillé chez nous. » J'étais « Merde, j'ai bossé que 2 mois, quoi. » Mais ils s'en souviennent, visiblement. Ils s'en souviennent très bien. Moi, ouais, c'est marrant, la nana de Starbucks où je vais, je sens que c'est son jeu de se souvenir de mon prénom. Genre, elle veut plus me le demander et du coup, elle essaie de se souvenir et tout. Elle se fait des petits jeux mentaux. Oui, voilà, c'est ça. Mais je l'ai évidemment jamais corrigé. Je fais « Oui, bah, je suis Florian, bien sûr, il n'y a aucun problème. On a un auditeur qui nous a laissé un message qui lui a aussi un truc avec un employeur, un truc pas du tout relou. Salut à tous, j'ai une question. Mon patron fait sans arrêt des références au Père Noël est une ordure. Alors non pas que ce soit pas un bon film, hein, ça on est d'accord que c'est culte, mais bon, 4 fois par jour... Voilà, qu'est-ce que vous me conseillez? Bah de se barrer, bisous. Je crois que c'est tout simplement. J'avoue, mais... Trois fois par jour. Il y a des films cultes pour le... Mais il dit quoi? Je t'encule, Thérèse. Bah oui, c'est vrai que pour Kevin... Ouais, c'est pas le temps. Allez hop, accrète. Fais-le déclarer mort. C'est une bonne technique. Minuterie. C'est vrai que c'est que des répliques un peu violentes, quoi. C'est génial. Ouais. Je t'encule, Jocelyn. Bah, oh, ça va je maintenant. Je te prends, je te retourne comprendre. Oui, bon. Oui, bon, ça va. Je sais pas quoi faire. Bah, je crois qu'il faut. Non, mais, il faut lui peut-être lui montrer d'autres. Refaire sa culture ciné, quoi. Bah, c'est qu'il y a d'autres films, mec. Vraiment, depuis, il y a des eu des Bronzés, peut-être qu'il faut lui offrir le DVD des Bronzés. C'est génial qu'ils le connaissent pas. Il fait, pardon, ils ont fait d'autres films. Ils ont fait d'autres films. C'est incroyable. Ceux qu'on fait le Père Noël. Quelques-uns, ouais. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais comme on peut tout dire et que tu monteras. Un jour, tu sais, j'avais fait une vidéo avec Poulpe qui s'appelle On dit que tu t'encules. Ouais. Oui. Et en fait, on dit que des. Donc, c'est un mec, on sait pas de quelle nationalité il est d'ailleurs. Ouais. Il a 4 accents dans ce sketch. C'est quelqu'un qui parle pas français et en fait, à chaque fois, en fait, on lui a mal appris le français, donc il dit des choses, mais c'est pas les bonnes choses. Je sais plus. Et c'est que des gros mots. Et c'est que des gros mots et des trucs racistes et tout. Ouais. Genre, les pigeons, il appelle ça des bougnoules et tout. C'est très, très gênant. Et en fait, les gens me faisaient des références à ça. Ah oui. Et il y a un moment dans la vidéo où il me dit Elisabeth, vergéture anale. Et en fait, il y a des gens qui me faisaient des citations, et celle-là encore, je m'en rappelais, mais qui me citaient des trucs. Et donc, je sais plus, je crois que c'est un directeur de salle ou quelqu'un dans le boulot qui me cite un truc hyper vulgaire. Et Bruno Coquatrix. Non, mais je sais plus. Vergéture anale. Et je suis là, quoi? Et en fait, c'est une référence à ça. Donc, c'était très gênant. Bon, ça n'enlève pas le problème de. Non, mais. Père Noël est une ordure. Toi, t'as reçu un très joli tweet, Adrien, récemment. Il va nous lire. J'ai vu passer un tweet, c'est ça, quelqu'un qui a dit putain, j'ai pensé à Adrien très fort. C'est de notre faute, hein, mais c'est ce que tu décrivais, je disais oui, bah c'est faire le flot de casse pendant 5 ans, bah, du coup c'est pareil. En plus, nous, tu vois, des fois on balance des anecdotes un peu perso un dans tweet, cette émission. Et donc, bah, parfois, là en l'occurrence, non, alors attends. Non, oui, pas là. Ça n'a rien à voir avec une anecdote que j'ai dit. Non, parce que. C'était un running gag dans une émission. Un mec qui dit je marchais dans la rue tout à l'heure, je lève les yeux, je vois un anus de chien passer, donc déjà. Et la première image qui me vient à l'esprit, c'est Adrien Méniel en train d'enculer le chien. Mais faut que j'arrête le podcast. Faut que t'arrêtes beaucoup d'autres trucs en fait. Pourquoi? C'est quoi la parce que c'était un running gag dans une émission où il parlait de son chien. Il aime son chien comme un maître aime son chien, ce qui est normal. Et nous, on faisait des vieilles blagues en disant qu'il est amoureux de son chien. Ah oui, et que j'enculais mon chien. Et qu'il enculait son chien. Et bah voilà, maintenant les gens pensent à voir un anus de chien, il me voit en train d'enculer un chien. Donc voilà. Bah ouais, mais t'es dans le cœur des gens en fait. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je poserais bien la question plus généralement quand quelqu'un t'agace au travail, quand il commence à avoir une sorte de mimique qui devient insupportable et que tu ne vois que ça. Comment tu fais pour lui dire en fait techniquement? C'est quoi le tu ça, vois c'est dur. En fait, moi, ça, je pense surpasser son côté. Je veux être une gentille personne. Ouais. Je pense que par exemple, si tu l'ignores. Je veux garder mon travail. Ah oui, ça, ouais. Ah oui, on peut être viré. Oui. Mais moi, je sais pas. En fait, ça, c'est une peur. Peut-être que le mec, si tu es honnête avec lui, peut-être que ça le fera avancer et il te dira merci. Ouais, mais ça, c'est dur. Mais même peut-être déjà, tu vas te virer. Faut lui dire, à mon avis, faut lui dire complètement hors crise déjà. C'est-à-dire, faut pas sortir de tes gonds. Faut lui dire un moment où justement, il l'a pas dit. Moi, j'avais un régisseur qui riait énormément à ses propres blagues. Tu sais, il disait la blague et derrière, il envoyait vraiment un rire hyper puissant qui, à la fin, me rendait complètement hystérique. Et tu lui as dit ou tu l'as renvoyé? Alors, je lui ai dit un moment. Et après, j'ai fini par le renvoyer, mais c'était. Tu lui as fait une ordonnance. Prends ça. Mais c'est pas évident, je trouve, de dire aux t'as gens. Dit, t'as dit quoi? Ouais. Excuse-moi. Je sais plus. En tout cas, je me suis dit que j'allais le dire vraiment à un moment de grand calme où je me sentais bien avec lui, où on avait un petit peu de complicité. Tu l'as viré dans la foulée. Putain, Ben, super spectacle. Ouais. Arrête de rire. Arrête. Tu arrêtes de rire. Quoi? Pardon. Tu sais, comme t'as jamais ri pendant le spectacle. Là. Et bah, continue de faire ça, mais tout le temps, surtout après tes propres blagues. Est-ce que t'as pas dit. T'es conscient que tu ris à chaque fois que tu fais une blague? T'es conscient, c'est très vénère déjà. Hein. Je t'ai filmé. Alors, on va analyser ensemble. Putain. Non, parce que là, par exemple, le gars du Père Noël, il peut dire. Tu sais, il ment. Moi, j'aurais menti. Tu sais, moi, j'aime pas spécialement le film. Tu vois, une espèce de truc où tu vas un peu sur le côté, tu vois. Genre, faut que tu dises un truc du genre. Non, parce que... mon père est mort de la myxomatose et ils font des blagues. Ou tu sais, un truc genre. Mon père est mort, il était Père Noël, tu vois. Dans le... il s'est fait assassiner par un mec alors qu'il faisait le Père Noël dans un centre ou commercial. C'était le film du coup, préféré. Ça, j'allais le dire, c'était le film préféré de mon père donc, qui est mort. Du coup, à chaque fois qu'on évoque ce film, ça me rouvre une plaie et tout. Bon, bah, Jocelyn, tu sais quoi dire. Faut mentir. Faut amener dans l'histoire le décès d'un proche, malheureusement. Ben a donné la version genre bonne mais personne. Elle se conjugue. Au calme, tu lui dis un moment, écoute, voilà, ça me fait très mal quand tu parles de ça, parce que ça m'évoque, c'est horrible. C'est ça. Il y a peut-être un truc. Ça me blesse. Créativité, quoi. Mytho. C'est voilà. Conseil qu'on... C'est... pour se démener dans la vie, c'est vraiment les deux clés. Quoi. je vais même te dire un truc, j'en vois aucune autre. Souvent, on dit qu'il faut être sincère. Pas forcément. Non, pas bien souvent l'inverse. Mentir est bien plus simple. Quel magnifique cadeau a fait un gendre à sa belle-mère pour lui faire plaisir? Morimoto. 24 heures. Attends, c'est le gendre qui offre à sa belle-mère? Alors, il faut savoir que la belle-mère a demandé. L'album de Ben Mazoui? Non, mais c'est vrai que c'est un très beau cadeau. Très beau pas. Cadeau pour les belles-mères. alors, attends. Est-ce que très beau cadeau, c'est sarcastique? C'est évidemment sarcastique. Ok. Est-ce que c'est. Alors, elle lui a demandé, donc ça veut dire se faire pisser dessus, bien. Un truc comme ça? Alors, non. Non, mais un truc dans le genre. C'est bien quand il y a des invités qui sont jamais vus parce que bon, on voit un peu l'image qu'on a entre nous. Il va y avoir des tweets. Non, mais ce que je veux dire, putain, c'est que. J'ai pissé sur ma mère, j'ai pensé à Adrien. Non. Tu dis, elle lui a demandé, donc ça sous-entend. Non, mais oui, que c'est un truc pas agréable. Non, pas agréable, mais un truc assez surprenant qu'une belle-mère peut. Ne demande normalement pas à un gendre. Un striptease. Non, mais de tromper sa fille. Quelque part oui, mais c'est une avec demande elle. Plus particulière. Oui, mais ouais. Dans un but. Lui faire un gosse pour qu'il parce que sa fille peut pas avoir d'enfant. Alors non, là t'es parti encore ailleurs, mais parce que elle veut un enfant et donc elle a demandé à son gendre de lui faire un gosse. Non mais attends, insémination peut-être. Je pense que j'ai c'est vomi pas dans mon masque. Oui, puis il y a des banques, il y a des trucs. Ah mais donne-moi hein, du sperme, t'en as plein. Enfin, tu vas pas nous. Tu peux pas en foutre. Tu fais plus croire. Oh là là, excellent. J'ai pas fait exprès, mais c'est excellent. J'en retrouve plein dans le drain de la baignoire, donc ne me dis pas que collé dans les cheveux, là, je les enlève comme ça. Bon. Le drain de la baignoire. J'invente, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. La maman de sa femme, âgée d'une quarantaine d'années, a déjà plusieurs enfants. Célibataire, elle veut désespérément un autre bébé. Elle s'en est donc remise à son gendre, qui a déjà été donneur de sperme auparavant. D'accord. Ah, qui a été donneur de sperme. Il est en passif. C'est anonyme. Le et qui a, selon la publication, parce que c'est quelqu'un qui a raconté cette histoire sur Twitter, un nombre élevé de spermatozoïdes. Si l'internaute trouve cela un peu bizarre, sa femme est, elle, d'un tout autre avis et le pousserait à aider sa maman. Sa mère a eu ma femme quand elle était assez jeune, alors elle a maintenant la quarantaine. Elle a deux autres enfants en plus de ma femme. Ils sont tous les deux plus jeunes. Pour une raison quelconque, elle a de nouveau attrapé la fièvre du bébé, dit-il entre guillemets. Je pense que c'est parce que ma femme et moi avons eu notre premier enfant il y a un an. Elle adore ça et veut toujours prendre soin de lui, explique le garçon. Moi aussi j'en veux un. Elle a dit que c'était parce que j'avais des bons gènes et que notre enfant s'est avéré génial et j'ai un nombre élevé de spermatozoïdes, donc cela augmente les chances. Aucun argument. Ils l'ont fait ou pas? Non. Bah écoute, lui il a l'air un peu stressé, je ne savais pas quoi dire, je lui ai juste dit que j'y penserais, je ne voulais pas vraiment dire ça, je ne savais pas comment dire non. Voilà, lui il voudrait pas le faire en fait, je crois. Et ben pas pareil, on rejoint. S'ils le font, ça fait quoi comme lien de parenté? Ça veut dire que leur enfant sera Le fils. Le beau-frère, de leur, son beau-frère et son fils. Ça sera son beau-frère, son fils, et son lui-même, fils, il aura des cousins qui seront aussi leur, des demi-frères. C'est ça. Et une mère qui sera aussi une grand-mère. Non. En tout cas, une bonne sitcom. Ouais, un truc une bonne sitcom avec Charlie Chin. Ouais, ça peut être vraiment sympa. Et alors, il aura un fils qui sera l'oncle de ses autres enfants. Ouais. C'est yes. ça. Et alors, l'histoire se finit assez mal parce que depuis, l'internaute est en dispute avec sa femme car elle n'a pas compris sa réaction. Il n'a toujours pas franchi le cap du fameux échantillon dans un pot en plastique et ne compte pas le faire. C'est sur Reddit. Non, mais ils habitent où ? Ah, pardon. Aux États-Unis, non ? Alors, ça va ? C'est anglo-saxon. Ouais, c'est, écoute, c'est pas, en tout cas, c'est écrit en anglais, mais c'est pas indiqué dans quel pays. Ah oui. Quelqu'un a raconté cette histoire sur Reddit. Mais t'embauches un mec, tu le branles dans un gobelet, tu dis bah c'est moi. Tu demandes à Maury machin. Ouais, ouais, Maury Moto. Maury Moto, il peut faire ça peut-être. C'est une réponse simple en tout cas. Je te paye. Je pense qu'il sait le faire. Un peu plus. Oui. Ouais, je pense qu'il est capable de le faire. Je te paye un peu plus. Tu nous as raconté s'il y avait eu étalé à la banque du sperme avec la mère de l'ami. Franchement, il a décrit un crime quand même. C'est un moment un peu bizarre. Ils l'ont mis entre deux phrases comme si de rien n'était. On n'a pas relevé, mais c'était vraiment. chers amis, on arrive au moment de l'émission où on va écouter donc d'autres messages sur le répondeur de l'émission. En fait, c'est un truc qu'on a lancé il y a peu de temps sur un site qui s'appelle speakpipe.com. En gros, c'est un répondeur en ligne. On s'est fait un peu submergé même plutôt. Parce que moi je n'ai pas les codes donc. Oui, c'est vrai, je m'en suis occupé tout seul, mais en gros. Je m'attendais à quelques messages et on en a reçu 400. Alors c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Donc j'ai pas tout écouté. Il y a eu plein d'histoires et des gens qui ont besoin de conseils. Alors des conseils. Ah, j'adore. Sont en tout cas, il y a un côté un peu radioline, un côté j'aime bien. Il y a un côté D-Fool. Oui. Voilà, qu'on assume complètement. Et des gens qui nous racontent leurs histoires. On écoute une demoiselle qui s'appelle Albert. Coucou, je m'appelle Albert, j'ai 18 ans et je viens de Toulouse. J'occupe un peu la place du guignol au sein de mes groupes d'amis, tout ça, toutes mes relations sociales, tous les gens avec qui je traîne, tout ça. Je suis la meuf qui fait des blagues. Et bon, après, moi, ça me va totalement parce que bah, j'adore faire ça et tout. J'adore rire. Mais j'ai aussi l'impression que, en plus d'être celle qui fait rire, je suis un peu devenue celle qui doit faire rire. Ah. Comme si il y avait une pression constante et que les gens étaient dans l'analyse de tout ce que je faisais ou ce que je disais en comparant, en se disant alors est-ce que c'était drôle ou pas drôle, non c'est pas digne d'elle ou quoi. Et après bon, c'est aussi de ma faute parce que je me suis un peu présentée à eux de cette façon, enfin comme j'étais quoi, et du coup bah ils sont restés sur ça, mais du coup ça instaure il y a une pression avec moi-même, je trouve. Dès que je vais dire ou faire quelque chose, je me dis souvent « Attends, là, ça va paraître beaucoup trop sérieux ou beaucoup trop premier degré par rapport à ce que les gens ont kiffé de toi pour la première fois. Donc, ça ne va pas passer. » Donc, je voulais savoir si vous, ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive que parfois, vous êtes en train de dire un truc ou faire un truc, vous dites « Attendez, mais attends, mais là, c'est trop boring. Je sais qu'Adrien, il est bilingue, donc il va comprendre. C'est trop boring, donc il faut que je fasse une vanne, il faut que je fasse un truc. » Alors qu'en vrai, à ce moment donné, vous vouliez juste parler d'un truc sérieusement, sans aucune dérive. Donc, dites-moi si ça vous arrive et si oui, si comment vous gérez ça, tout ça. Voilà. Bisous, bisous, ciao. J'ai choisi au hasard, hein, bien sûr, ce message, hasard c'est total. C'est pas du tout le bon groupe pour parler. Aucune idée de quoi elle parle. De quoi tu parles ? C'est une vaste question. C'est une vaste parce que question. Là, Et c'est pour ça que j'ai laissé le message en entier, parce que tu sens que ça, ouais, ouais. Que ça la travaille, en tout cas, 18 ans. Mais non, mais en fait, le truc... Après, la pression, le truc d'être mis dans une case, de toute façon, ça que tu... Enfin, c'est un peu tout le monde, en fait, de toute façon, si t'es... le mec ou la meuf qui est beau ou belle, tu vas toujours te demander est-ce que je suis, du coup, on me définit comme ça, donc est-ce que je le suis suffisamment, etc. Et quand tu te définis comme la personne drôle, t'es victime de ça aussi. Mais d'un autre côté, il y a une pression, mais en même temps, ça veut dire que t'es drôle, donc c'est cool aussi ça. Et après, je pense que faut pas. C'est bien qu'elle pose la question maintenant quand t'as 18 ans, parce que je pense que c'est bien de rapidement ne pas s'interdire de ne pas être drôle parfois, déjà parce que genre si tu te mets la pression pour être drôle tout le temps, tu vas très vite ne plus être drôle en fait, parce que faut... Si t'as la pression d'une scène ouverte avec tes copains... C'est ça, et puis il y a aussi une question de, tu vois, c'est une question de rythme aussi quoi, c'est bien d'être drôle, de laisser un peu du temps, de re-être drôle après, ce qui essaye d'être drôle tout le temps, c'est juste pas drôle, c'est de la bouillie, enfin tu vois, donc je pense il y a pas trop de pression à se mettre, et puis surtout faut s'autoriser à être sincère, et puis justement là c'est maintenant que tu sais que t'es drôle, tu peux toi-même, ça va peut-être prendre du temps, mais de te dire, bah, parfois je suis pas marrant, j'ai d'autres choses à exprimer aussi, ou en tout cas de différentes manières, quoi. Donc voilà. J'ai fait un stage de développement personnel en Ardèche pendant une semaine. Et j'y suis allée en me disant j'y vais parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin d'être voilà de travailler quoi sur moi. Et en fait quand très vite en fait on faisait des petits rendez-vous où les autres nous disaient ce qu'ils percevaient de nous et tout ça. Mmh. Et en fait le mec qui gérait ça avait dit à tout le monde qu'il y aurait une humoriste. Bon bah comme je suis pas connue, il savait pas qui était l'humoriste voilà. C'est un loup-garou. Exactement. Et en fait. Et à un moment, il y avait des petits entretiens entre nous et les gens nous disaient ce qu'ils percevaient de nous. Et en fait, les gens m'ont dit, mais en fait, je pense que tu dois pas être très drôle parce que vraiment, il y a pas. Enfin, je me suis dit, ah d'accord, c'est toi, mais tu dois être vraiment triste comme humoriste. Non, juste, il y a des moments où oui, tu décides d'être drôle ou pas d'être. Enfin, et en fait, tant mieux parce que ça permet juste de te ressourcer. Et au moment où t'as envie d'être drôle, où t'as envie de te concentrer pour ça, bah, tu vas réussir à. En plus, tu réussiras plus à surprendre les gens, je pense. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. L'humour, c'est aussi de la surprise. Et je pense que. Voilà, donc juste pour te dire, bah, t'as le droit de pas être forcément drôle tout le temps. Mais c'est vrai que c'est aussi des carcans de liste. Enfin, tu vois, 18 ans, donc je pense qu'elle sort du lycée. Ouais. Et c'est vrai que c'est à cet endroit-là où t'as même besoin de te trouver une case, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Tu dis. Mais en plus, être drôle, c'est aussi quand même être très intelligent, il y a quelque chose d'exceptionnel dans la blague. Quand tu arrives à faire rire tout le monde, tu peux pas être toujours la meilleure version de toi-même aussi. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que t'es pas tout le temps extraordinaire. Et après, quand t'essaies d'être la meilleure version de toi-même, c'est dangereux. Qu'elle n'essaye pas l'alcool, par exemple, surtout pas. Te déconseille l'alcool. Voilà. Non, mais c'est une super question. Moi, je peux la prendre en séance si elle. Je pense que ma réponse, oui, pourrait durer. Mardi, toi, elle, mardi en 8. Elle pourrait durer une heure. Non, je me suis dit que. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je vais parler de mon expérience, mais en fait, intéressant, je pense. En fait, moi, quand j'ai fait mon premier spectacle, j'ai fait ce spectacle-là en répondant à cette étiquette de toute façon, Bérangère, c'est la fille drôle de la famille, les gens rigolaient, voilà. Donc, du coup, je suis montée sur scène en me disant, je vais être drôle. Et j'ai été très malheureuse de ça parce que c'était vraiment une pression d'enfer. Et je devais arriver avec cette effervescence de nana qui va super bien, alors que. Ben, des fois, non, ça va pas super. Et pour le deuxième spectacle, en fait, j'ai fait autre chose. J'ai dit, ben, en fait, je vais raconter mon histoire. Et des fois, ce sera marrant. Et des fois, ce sera pas marrant. Mais c'est comme si t'avais un. Ben, comme un comment t'appelles ça? Une platine. Table de mixage. Ouais, tu vois. Et que t'as, en fait, t'as des curseurs. En fait, on est tous drôles, tristes. On a toutes les émotions en nous. On a toutes ces facettes-là. Et en fait, tu pousses ou pas les curseurs. Mais si t'es que sur un curseur, à un moment, ça s'abîme et c'est chiant. De toute façon, elle s'amuse pas. Et se dire déjà qu'elle change. Pas drôle et boring par une autre émotion qui est neutre en fait et qui pas qu'elle la juge pas de manière négative. Voilà. C'est ça. C'est J'ouvre mon cabinet la semaine prochaine si vous le souhaitez. Peut-être qu'elle est pas trop peur aussi. Elle a l'air d'avoir très peur de leur déplaire. Et si ne te parle plus parce que soi-disant t'es boring quand t'es toi de manière neutre, c'est que tu changeras d'amis. C'est pas grave. Hein, mais en plus, a priori, ça n'arrivera pas. Oui, c'est ça le truc, c'est que si t'apprécies et si en fait s'ils apprécient ce que tu exprimes quand t'es drôle. Quand tu exprimes par l'humour ce que tu es, donc en fait, ils t'aiment et toi, aura, quoi. Et peut-être accepter qu'il y aura une transition, qu'à un moment donné, ils se diront « Ah, mais c'est marrant, parce que tu fais plus comme avant et tout », d'affirmer, de dire « Oui, en fait, j'essaye autre chose, j'ai 18 ans, j'ai toute la vie devant moi, c'est ça, et oui, donc je fais des réglages avec ma table de mixage fictive. » Pardon, mais juste vous le dire, vas-y, t'en prie. Le fait qu'elle se pose déjà la question à cet âge-là, qui est jeune, quoi, ça montre que, enfin voilà, elle se pose les bonnes questions et elle a conscience de ce qu'elle ressent et tout ça. Donc, je pense qu'elle est quand même elle est sur la bonne voie, quoi. Elle peut se faire confiance. Et puis elle va pas arrêter d'être marrante, en fait, si elle fait autre chose. Au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, contraire. Ça, c'est quelque chose qu'elle a, ça y est, on le sait, elle est marrante. Voilà. Bon, bah, hop, elle une autre a... facette. Bah, non, mais parce que c'est aussi un muscle, l'humour. Ouais, c'est ça. Et ouais. Donc voilà, elle le travaille au fur et à mesure, c'est cool, mais il y a d'autres choses à faire et c'est chouette, parce que du coup. Elle a les mollets, par exemple, ça les mollets, c'est gare au claquage. Ouais. Et puis aussi, peut-être qu'en se laissant aller, elle va comprendre que ses amis là, vont la mettre dans ce mood pour être drôle. C'est vrai, c'est ça aussi. Les amis qu'on a, souvent, il y en a avec qui on se sent tout de suite dans les bonnes conditions pour être drôle. C'est. Et puis, c'est ce que. Pardon, à chaque fois, je te coupe la parole, je dis c'est toi, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais on est bien avec quelqu'un quand on peut rien faire. C'est aussi, on peut juste ne pas être dans la démonstration et juste. Apprécier juste la compagnie, etc. Donc... Peut-être que Morito, là, encore lui. Il revient. Comme quoi, toujours. Qu'elle se détende, tu vois. Allez. Ça va bien se passer, en tout cas. Mais d'autant que, oui, 18 ans, rien. J'imagine que tous tes amis sont aussi un peu dans des questionnements personnels aussi de mais qui je suis, comment je. Enfin, tu vois, c'est un truc qui touche quand même des centaines et des centaines de gens, donc même des milliers de gens, donc il n'y a pas de. Faut pas te stresser vis-à-vis de ça, je pense. Et puis de toute façon, tu auras toujours l'impression. Enfin, je le crois, hein. Moi j'ai toujours l'impression d'être dans une case ou l'autre de temps en temps. J'ai l'impression que c'est un questionnement que tu te poses souvent quand même dans la vie en disant ah là, je crois que tu vois, je me saoule ou des trucs comme ça, tu vois, des trucs où t'es pas vraiment à ta place. C'est des périodes. Puis ça peut aider aussi parfois d'être dans certaines cases. Oui. Moi, il y a un moment de ma vie où une de mes potes me présentait comme sa pote lesbienne, sauf que moi, j'étais vraiment pas out, quoi. Ouais. Mais en fait, alors c'était un peu violent à des moments. Oui, c'est ça, j'allais dire, bah merci à elle. De temps en temps, oui, mais en fait, aussi, à plein d'autres endroits, ça m'a aidé à m'assumer, à dire, bah oui, c'est moi, en fait, c'est ce que je suis et c'est ce que j'ai envie d'être. Et... Enfin, c'est ce que je suis, en fait. Ouais. Et donc, aussi, ça peut aider. Je bosse vachement là, je suis vraiment. Ouais, j'ai très envie d'être. Nouvelle question de Octave qui, je pense, est Paul Mirabel et nous le cache. Salut. C'est une question pour Adrien. Même pas si pour Adrien, mais pour tout Florent le monde. Peut répondre quand même. Tu dis souvent dans des stories Instagram que t'es atteint d'anxiété, de trop anxieux, tout ça. C'est pour savoir, ça faisait combien de temps que t'avais ça et comment tu le gères au quotidien et à quel point ça t'arrive, quoi. J'aime tellement Paul Mirabel. Il avait le bonjour de pomme de Paul Mirabel. Bah, je l'ai pas trouvé très marrant là. Et c'était un peu boring. Bon, c'est bien, bravo du coup. Merci c'est Paul, tu restes pas dans ta case. Ouais, ouais. T'es autorisé à ne pas être drôle et à juste me mettre extrêmement mal à l'aise. Non, je plaisante. Non, mais bon, après le truc, alors, j'ai jamais employé le terme trouble anxieux et tout parce que c'est des trucs qui sont diagnostiqués truc, ouais. Et moi je dis juste que je suis pas forcément quelqu'un de toujours très serein, mais je m'auto-diagnostique pas des trucs, quoi, bien parce sûr. Que je trouve que c'est... il faut pas faire ça. Non, bien sûr. Mais après, comment je gère moi, je gère surtout... En fait, c'est d'identifier... mais c'est, je pense que c'est... Déjà, il faut aller chez un psy, déjà, en fait. C'est déjà le truc, parce que... On peut trouver un docteur du cerveau, donc c'est comme quand t'as mal quelque part, tu vas voir le docteur. On peut toujours trouver des combines pour savoir réagir au moment où on identifie un truc qui nous angoisse, mais c'est bien de s'attaquer au fait que... Enfin, la source du truc, quoi, donc aller chez le psy, c'est bien. Et après, c'est au fil du temps, tu identifies ce qui t'angoisse et du coup, tu te prépares un peu des trucs qui vont faire que quand tu vas être pris au dépourvu face à ton anxiété, tu ne vas pas être pris au dépourvu justement parce que tu avais prévu le coup et donc tu t'adaptes, etc. Mais c'est tellement propre à chaque personne que c'est dur de donner des conseils et puis surtout, je suis vraiment pas un expert là-dedans, quoi. Mais je pense que ça vient avec le temps, quoi, de se connaître. Du coup, c'est donc éviter les situations anxiogènes ou affronter les situations anxiogènes en étant quelqu'un d'autre ? Non, pas en étant quelqu'un d'autre, mais en étant mieux dans son corps. Déjà, en étant préparé, je veux dire, voilà. Ouais, en étant préparé. Alors déjà, ça peut déjà aussi s'affranchir de certaines injonctions du genre si t'es anxieux au milieu de la foule, par exemple, comme c'est plutôt mon cas. Tu te dis, je suis obligé d'aller dans des salles où il y a plein de gens. Et en fait, t'as le droit, quoi. T'as le droit d'être faire partie de ces gens qui aiment bien voir les gens en petit comité. Exactement. Mais donc, du coup, ça, c'est un truc qui vient avec la maturité, entre guillemets. C'est accueillir ton anxiété. Tu vis avec et tu en prends soin. Mais de dire aussi que c'est aussi ta personnalité, quoi. Si t'es introverti, ça te fait pas du bien de voir plein de monde, forcément, et tout. Donc, tu peux accepter qui t'es aussi, sans voir ça comme une. Sans te juger. Un truc négatif, en fait. Vous êtes d'un naturel anxieux, Ben, toi, par exemple ? Tu peux être un peu anxieux ? Je pense que oui, ouais, carrément. Moi, je suis plein d'anxiété. Mais par rapport à ce qui me freine dans la vie, je trouve que là, j'atteins un âge où, justement, je me dis... ce qui me freine dans la vie, ce qui me pose problème, ce qui me rend triste, eh ben parfois je peux juste l'éviter. Je peux pas obliger tout le temps l'affronter, d'avoir le courage de l'affronter, alors qu'avant je faisais vachement ça. Typiquement là, dans une semaine, c'est mon anniversaire. Je sais que ma famille m'organise un anniversaire surprise. Je n'aime pas les anniversaires surprises. Ça fait 10 ans que je leur dis que j'aime pas les anniversaires surprises. Et là, j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux pas en fait de cet anniversaire surprise. Et c'est pas grave. J'irai, c'est pas une surprise parce que je sais. Donc... donc on annule tout. J'irai très bien sans voilà. Tu me dis pour que je puisse. Non, mais c'est ridicule, c'est un petit truc, tu vois. Ouais. En plus, c'est super gentil. En plus, t'avais pas fini tout le montage de la vidéo, non ? Non, j'avais. Tu me dis si j'annule la vidéo. Ouais. Ouais, parce que ça m'a pris du temps. Oh là, donc, et donc c'est annulé. Et donc, non, mais non, ils me disent, mais attends, mais c'est, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Tu vois ce que je veux ? Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, c'est ah oui, donc son angoisse, c'est ta famille en fait. Ah, frappé une corde sensible. Là. Non, mais je sais pas. J'ai dit ça parce que c'est dans une semaine, mais il y a tous ces trucs-là de ouais, de sortir, être dans des endroits. Par exemple, à un moment, tu parlais tout à l'heure des opportunités à saisir. Quand j'apprenais qu'il y avait un endroit où il fallait que j'aille pour peut-être potentiellement rencontrer des gens au tout début où je travaillais, j'essayais d'y aller jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, j'ai jamais décroché quoi que ce soit en allant à des endroits où il y avait des RP entre guillemets à faire. Ouais. Qu'en fait, tout ce qui compte dans ces métiers-là, c'est de faire en fait des choses. Ouais. Et après, c'est à partir de là, ça sert à rien ces trucs-là. Bah, ça m'a pris du temps, ça. Et ça me mettait très mal à l'aise. Oui, je les détestais. Et surtout, si t'as d'un naturel anxieux, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que moi, en soirée, bah voilà, c'est Florent. Salut pardon, je sais pas gérer mon volume de voix. Alors que, tu vois, si juste je monte des trucs que je fais, il y a quand même plus de chances que je sois engagé que en rencontrant la personne. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai truc de. Et d'ailleurs, c'est un des privilèges de l'âge, entre guillemets, ou de l'expérience, c'est que t'es un peu précédé par ta réputation ou par ce que t'as pu faire. Et c'est très agréable, du coup, parfois, de pas être obligé de se vendre quand il sait pas très bien le faire. Mais c'est marrant parce que vu que vous faites des métiers, vous faites tout du spectacle par exemple, ça, est-ce que vous pouvez être anxieux vis-à-vis de ça, genre de monter sur scène et d'avoir des gens. C'est horrible. Enfin, horrible. Moi, j'ai peur que ça marche pas. Ouais. Tout le temps, en fait. Tout le temps, même quand c'est un spectacle rodé. Oui, parce qu'en fait, chaque soir déjà, c'est vivant, donc en fait, à chaque fois, c'est nouveau. Donc, à chaque fois, tu peux vraiment te faire mal en fait en te plantant. Et puis, moi, je suis dans un espèce de truc de demi-succès où genre j'en vis, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et donc, il y a un espèce de truc où j'ai envie d'y aller, j'ai envie que ça aille plus vite, mais je vois aussi que bah, peut-être que je mets mon temps et que ça prend. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que là, mon podcast, il marche mieux, parce qu'en fait, ça s'est fait dans un temps où il n'y avait pas de temps, justement, ouais. Où il n'y avait pas d'urgence, où personne n'attendait rien. Et que donc, bah, du coup, je l'ai fait en me disant, bon, bah, ça m'occupe. Voilà. Mais j'ai toujours peur que d'être mauvaise et que ça prenne pas et d'être ridicule et en fait j'ai peur d'être déçue tout le temps et en plus la déception souvent elle arrive parce qu'en fait du coup je suis tellement préparée à ce qu'elle arrive du coup elle finit par arriver en fait. Autoréalisatrice exactement mais oui. Donc moi parce que sinon dans la vie je pense pas Bérange, je suis pas très anxieuse dans la vie. Non mais après moi, je répondrai un peu. Enfin, j'ai pas l'impression d'être très anxieuse non plus, mais il y a des endroits où je suis plus anxieuse que d'autres. En fait, après, je suis pas anxieuse 24 heures sur 24. Oui. Mais on a des endroits où ça nous stresse. Après, mais le trac, t'as le trac ? Alors moi, j'ai, je pense que je suis la seule humoriste qui a fait de la sophrologie à un moment donné pour pallier ce trac, parce que juste après, bref. En fait, j'étais en haut de la montagne et je me suis dit, je vais me casser la gueule. En fait, je vais tomber, les gens vont se rendre compte que c'est une arnaque. Et donc, tous les soirs, je remettais mon titre en jeu. C'était une horreur. Ouais. Et du coup, c'était pas bien. Et puis, je restais chez moi et je me réservais pour le soir. Enfin, c'était un enfer. Donc, la sophro, qui consiste à respirer, en fait, m'a permis de surpasser ce trac. Mais aujourd'hui, je dirais que j'ai un autre trac qui est beaucoup plus doux. Juste parce que j'ai donné du sens à ce que je fais en fait. Et j'ai l'impression que ça m'ôte tout problème égotique. C'est-à-dire que si tu montes sur scène pour qu'on te voit, que machin, du coup, il y a un truc où bah, si ça se passe mal, c'est toi. Ouais. Alors que en tout cas, moi, je monte sur scène aujourd'hui pour parler au cœur des gens. J'avais très envie de parler, d'avoir un spectacle sur qu'est-ce qu'on fait de sa rupture et comment on en fait un truc positif. Et, et du coup... Ouais, dans le même business. C'est vrai qu'on a des thèmes assez communs. Et du coup, en fait, de monter sur scène en me disant, en fait, ce spectacle, peut-être que les gens vont ressortir avec la pêche. Comme moi, quand je regarde un film ou que je vais à un spectacle et que je ressors, je me dis, putain, je vais faire ça. Tu vois, je voulais que ce soit cette énergie du film américain à la fin où le mec fait son discours et que tout le monde applaudit. Voilà, je voulais ça. Donc du coup, je le fais. Après, les gens, ils repartent avec leur truc. Moi, j'ai dit tout ce que je suis en accord avec tout ce que j'ai dit. et je suis OK avec tout ça. Donc ça m'enlève un stress. Je vais pas te dire que je monte sur scène comme je vais à la boulange. Oui, oui, oui, bien sûr. Mais après, t'es très stressé quand tu vas à la boulange. J'ai allergique au gluten. Une baguette, un pain au raisin, je sais pas. Non, mais voilà. Je sais que entre les deux spectacles, ça a été vraiment ça, la quête de sens, de pourquoi je fais ça. Et juste comme dans une fourmilière, je pense sincèrement que tout le monde a une place sur Terre. La meuf part en Gandhi. mais sincèrement, on est une fourmilière et tout le monde a une place. Il y a des gens qui sont là pour parler, il y a des gens qui sont là pour d'autres choses. Mmh. Et en fait, si tu trouves ta place, en fait, c'est juste. Voilà, t'as pas plus. Il n'y a, a pas un sommet à escalader. Mais c'est marrant parce que tu parles de ce spectacle où tu y allais, entre guillemets, plus détente, alors qu'on pourrait se dire. Si c'est quelque chose de plus personnel, ça peut être plus flippant parce que je parle de ce que peuvent s'imaginer les gens, tu vois, de dire mais là tu parles de ta vie, est-ce que t'as pas peur à ce moment-là? Je sais pas, Ben aussi par exemple, tu fais un album perso comme ça, t'as pas peur, tu te dis voilà, je vais parler de moi. Okay, la question en fait. De l'impudeur. Le track de est-ce que ça va intéresser te livrer en fait. D'accord. Ouais. J'aurais quand même parlé du track parce que j'avais un truc à dire. Vas-y, je t'en prie. Parce que moi je trouve, mais après, bref, pardon. C'est juste le track, moi je l'ai parce que sur scène, il peut se passer un truc extraordinaire, mais vraiment un bonheur que je ne peux pas décrire et qui va me faire partir en haut et après pour redescendre, je mets 5 heures. Et aussi me faire vivre le pire des enfers. Donc il est quand même légitime ce track. C'est-à-dire que là, je vais me préparer à faire quelque chose qui va pouvoir me faire soit un truc incroyable, soit un truc très très désagréable. C'est normal d'avoir peur de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est un peu comme si tu. C'est pas illégitime comme peur. C'est soit la scène, c'est de la drogue, et en fait, tu fais des ups et tu fais un bad trip ou un super trip. Exactement, c'est ça. Soit tu le prends pas comme une drogue, mais comme. Dommage. Comme un espèce de job de vie en fait, c'est-à-dire c'est ta place, est-ce que tu dis ce que tu racontes fait du bien aux gens, et je pense que tu le sais, mais juste toi t'es là pour ça, tu parles au cœur et puis les gens reçoivent et rentrent chez eux, ça les fait réfléchir et c'est tout ce que t'as à faire en fait. Donc s'il n'y a pas d'attente en fait, comme si tu vas à une rave party en fait, où tu te dis j'ai peur de faire un bad ou pas, du coup il y a moins de les soirs sont tout aussi différents. Enfin j'ai pas joué 1000 fois comme ça, mais peut-être ils mettent moins de gravité quoi, simplement. C'est-à-dire de juste pas. T'es pas responsable de tout ce qui va se passer en fait. En fait, si ça se passe mal, c'est pas que foncièrement de ta faute parce que t'es nul. Et quand ça s'est mal passé, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui vient te voir qui fait attends, ça c'est quand même pas si mal. Regarde, il y a plein de gens qui sont venus te voir pour te dire que c'était bien. Dire, oui, mais les gens qui ont pas trouvé ça bien, ils ont pas attendu la fin du spectacle pour faire la balance et dire alors moi je suis juste resté parce qu'apparemment il y a des gens qui ont trouvé ça bien, moi j'ai pas aimé. C'est vraiment bien tout le monde et tout le panel. Mais ceci étant, c'est aussi un vrai truc de parfois tu n'es pas le meilleur public de ta prestation. C'est-à-dire quand t'es sur scène. Carrément. C'est-à-dire que moi qui est par exemple, je co-écris le spectacle de Baptiste Le Caplain, c'est déjà arrivé qu'il y a une voix en disant putain, mais quelle merde cette date. Alors que tu dis elle était super cette date. Et d'autres, tu l'as foiré. Et juste parce qu'il y a une vanne qui passait jamais, qui l'avait passée, donc du coup il est content. Mais en fait, la date n'était pas si ouf quoi. Ouais, complètement d'accord. Oui, on n'est pas non plus notre meilleur juge. Tout à fait. Moi j'ai une petite question. En fait, j'ai très envie de faire pipi. Ah ben je t'en supplie. Du coup, tu peux y aller. Comme ça. Aucun souci, on peut faire. C'est la première porte en rentrant. Il y a aucun problème. Pardon. On gardera ce moment. Un peu latent. On en fera une chanson. Ben Mazué est en train de pisser. Oui, pisser. Ben Mazué est en train de pisser. Oui, pisser. Ça ne devrait pas durer. Pas durer. Pas durer. Il vient de terminer. Les mains, il va se laver, se les laver, les laver, parce que c'est pas un bon port. Ben Mazué, Ben Mazué, oh oui. Il s'agit du flow de casse. Nous avons également reçu des messages par écrit, puisque tout le monde n'a pas forcément le courage d'envoyer un message audio, et je le comprends, je serai le dernier à le faire. Donc les gens m'ont envoyé des questions, parfois un peu plus directes, en sachant que vous étiez les invités. Quelqu'un me demande par exemple quel est votre degré d'inspiration quand vous vous lancez dans un projet artistique. Par exemple, est-ce qu'avant d'écrire un spectacle, Bérangère et Marine rematent des spectacles qu'elles aiment bien dans leur mood par d'autres humoristes? Est-ce que Ben écoute des albums particuliers pour se remettre dans l'ambiance, etc., etc. Ben, pour cet album, je crois, tout le temps en fait, t'écoutes la musique tout le temps, il y a des trucs qui viennent et après tu fais des playlists un peu avec les gens avec qui tu vas faire l'album de morceaux que tu trouves bien produits, intéressants. Et après pour le thème lui-même, non, ça pour le coup, le thème il sort quand ça me semble un peu obligatoire. Ouais, voilà, c'est ça, il faut vivre quelque chose. Tu commences par la musique ou tu commences par les paroles? Ça dépend, c'est un peu les deux. Mais tu vois, je dis souvent que cet album, je l'ai écrit à La Réunion. Et là, je vais te faire une révélation. C'est pas vrai. Ouais. Je l'ai pas écrit à La Réunion, mais je l'ai vécu, en fait, ouais. Là-bas. Tu vois, c'est vraiment toute l'histoire de ce que j'ai vécu là-bas. Du coup, je dis que je l'ai écrit là-bas, mais en fait, en réalité, je l'ai écrit à Guimauquet. Donc, c'est un peu... À la base, la pochette, c'était avec des stations de métro ouais. Guimauquet. Pas... Écoute-moi. La pochette était moins jolie. Toi, Marine ? Que tu remates des trucs que t'aimes bien c'est des périodes. Non ouais. Mais parce que j'ai en fait je crois que ça a créé même quand on réfléchit pas forcément bah, en ce moment moi oui je suis obligée de mater parce que sinon tout ce que j'écris ben j'écris des choses sur des trucs que je comprends pas donc il faut que je me oui, oui. Par rapport à ton podcast à mon podcast pardon mais sinon je pense pas mais par contre je pense que à des moments je regarde des trucs et ça me fait des espèces de révélations Anna Gatsby par exemple ça fait une révélation en moi. Bon, bah, je sais que plus tard dans mon écriture, alors je dis pas du tout que ce que je fais c'est Anna Gatsby, loin de là. En revanche, je sais que ça a changé ma façon de penser et de voir. J'ai lu un bouquin et j'ai vu un TED de Elizabeth Gilbert sur la création et la créativité. Et ben, en fait, ça, je l'ai lu, je l'ai intégré et à un moment, c'est revenu. Ça s'est ancré en moi en fait et je pense que du coup ça se sent mais je prépare pas en m'inspirant précisément des autres, je pense que ça vient un peu tout seul quoi. Bah, Bérangère pareil ou bah moi déjà moi je fais des playlists de musique, j'écoute beaucoup de musique pendant l'écriture de Amour. J'avais vraiment des chansons et tout. J'en ai mis beaucoup dans le spectacle. Mais ça passe par la musique pour... je sais pas, vraiment la musique, ça me permet d'ouvrir un peu les écoutilles. Après, moi, j'ai du mal à regarder un spectacle d'humoriste en DVD. Ça me fait vraiment chier. Enfin, en DVD. Old school. T'as la cassette. Tu fais avance rapide, du coup. Non, du coup, j'ai pas beaucoup regardé. J'ai regardé, ouais, ceux qui sortent à Anna Gatsby. C'est vrai que ça a été un peu un tournant de dire « Ah oui, on peut faire du stand-up et parler aussi un peu plus vulnérablement de soi ». Donc voilà, j'ai pas trop de méthode. Moi, j'ai replongé beaucoup dans mes journaux intimes de quand j'étais petite. Ah, c'est bon. Bébite, c'était vraiment avec mon ado, tu vois, enfin avec moi ado qui était pas moi, enfin que tu connais mais que tu connais pas. Ben, ou même dans le journal intime, tu joues un peu un rôle, genre. Ah ben moi, je fais du stand-up dans mon journal intime. Donc, vous ne trouvez pas drôle. C'est très drôle, n'est-ce pas ? Je veux dire, vous ne trouvez pas que c'est très drôle ? Ce qui en stand-up ne passe pas d'ailleurs. Dans le métro, c'est très drôle. Ce que je dis, c'est assez marrant. Validez-moi, SVP. J'avais vraiment 2-3 pépites. D'ailleurs, j'avais écrit un truc sur le journal intime que j'ai enlevé parce que c'était trop long. Mais voilà, je sais pas. Il n'y a pas une méthode de documentation, je pense, dans la créativité. Il faut vraiment laisser à venir les choses quand... Mais c'est vrai que pour se mettre dans cet état second, qui est un peu l'état d'écriture, c'est pas mal, moi, je trouve, ce que je fais, moi, de consommer du contenu culturel, quel qu'il soit, tu vois, des films, des trucs, il y a parfois, voilà. C'est d'ailleurs ce qui est génial dans les métiers qu'on fait. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est que regarder un film à 14h, c'est ton travail. C'est ton buzz. Ouais, c'est ok. C'est vrai, c'est ça. Tu as le droit. C'est pour ça que les gens trouvent ça cool comme boulot. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et que ça l'est. C'est vrai. Mais vous avez tous votre petit carnet de notes, ou quand vous observez des trucs, enfin carnet de notes ou notes de l'iPhone d'ailleurs, c'est ça. J'avais, mais j'ai plus moi. Ah ouais, ouais. Prends sort peu en ce moment. Oui, déjà il y a ça. Non, mais je crois que quand l'idée est bonne, en fait, elle reste en tête, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est marrant. Putain, mais ça dépend parce qu'après. Des fois, je retrouve des vieux trucs que j'ai écrits et je me dis, ah putain, mais ça c'est marrant. Mais je me dis, c'est que c'est pas le bon moment quoi. Donc, mais ça dépend. Des fois, j'écris le truc, mais parfois pas. Ah, c'est rigolo. Toi, Bérangère, pas du tout, j'ai l'impression. Enfin, tu faisais nom de la tête. Bah, Bérangère, je passe mon temps à lui dire ça, c'est marrant de noter. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal à m'auto-noter. Ah, c'est drôle. Non, souvent, c'est par la parole, en fait. Moi, j'écris peu, tu vois, journal et tout. Je me force à écrire 3 pages par jour, des fois pendant des semaines et tout. Mais c'est souvent, en fait, en racontant. Donc, moi, j'ai besoin de beaucoup parler. Non, mais... Et c'est en racontant souvent avec Marine, je fais des bonnes punchlines. Et heureusement, elle me dit, ça, c'est très drôle. J'ai un bon. C'est marrant, moi, je suis l'inverse. Je note tout et souvent, c'est pas ouf. Enfin, genre, je note. Non, mais tu vois, je note tout. Mais c'est normal. Ouais, non, mais ça, tout ce qui peut ressembler vite fait. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises dans une façon de parler. Parce que moi, des fois, c'est une tournure de phrase que je trouve marrante. C'est-à-dire que je peux vraiment avoir. en parlant avec un pote et d'un coup il y a une tournure de phrase que je trouve marrante et vraiment je vais noter la tournure de phrase en me disant ah ça dans un dialogue ça peut être rigolo ou dans un truc comme ça. Et mais tu cherches la performance quand t'écris par exemple? Quand j'écris, non, est-ce que tu cherches forcément le rire ou la punch ou non, bah, en fait c'est vraiment ça devient quoi, ouais, c'est... en fait vu que c'est intuitif. Après j'écris des trucs différents, enfin je peux écrire des trucs qui sont très des blagues comme quand j'ai écrit sur la flamme ou tu vois, mais sur mes trucs perso vu que c'est un peu un mélange parfois c'est juste des observations, même des fois c'est juste des idées, tu vois, des trucs, mais moi j'adore les trucs de métaphores de première aile, c'est ça, j'adore ça, tu vois, quand j'ai une idée comme ça je suis ravi, c'est tu vois. Quoi métaphore de non, première aile, non mais tu vois, des fois je m'étais noté, je sais pas si tu l'utilises un jour, mais de dire il y a un personnage par exemple pendant le film qui gratte tout le temps ses cicatrices et je me dirais bon bah dans le film ça veut dire qu'il ne veut pas guérir et donc du coup il se gratte tout le temps ses cicatrices, voilà, et des trucs et, oh, tu vois, première aile et ça moi j'adore ça par exemple, donc ça j'ai des carnets entiers d'idées comme ça que j'utiliserai peut-être jamais, qui sont peut-être un peu qui peuvent être ridicules dans certains projets et en même temps pas du tout dans d'autres, et donc voilà, c'est, mais je te dis je garde tout moi par contre, je vraiment je note beaucoup de choses. Mais tu regardes aussi beaucoup de trucs, non? Ouais, moi je mate beaucoup de films et même des fois je fais pause quand je vois des jolis plans par exemple pour prendre en photo le plan, faire une story noir et blanc une photo avec ton chat noir et blanc pour avoir des partenariats avec Samsung qui m'envoie des télés derrière. Et, et tu notes à l'écrit ou par dictaphone? Par téléphone maintenant, pas dictaphone. Donc, pas mais dictaphone, à l'écrit. Note à l'écrit. OK, d'accord. Non mais à l'écrit, mais parce qu'avant j'utilisais des carnets. Et en fait, je n'arrive pas à relire les carnets, par exemple. Enfin, j'arrive pas à me replonger. Oui, moi aussi, dans ça me saoule parce que. Je crois que parce que tu n'arrives pas à te relire. ouais, parce que j'écris mal. Non, j'arrive pas. Non, d'accord. Tu ne trouves pas, tu as écrit un mot. C'est pas clair. Dans Notes, il y a un peu un truc avec des plus et des moins. Ouais. Et puis la fonction recherche, quand même, aussi, qui est quand même assez pratique. C'est juste. Donc, et puis tu l'as tout le temps. Tu l'as tout le temps, le carnet, tu l'as pas tout le temps. C'est exactement. Moi, j'ai acheté un carnet quand même après avec Mile. Je me suis dit, moi aussi, je vais noter sur mon carnet des trucs. Ton album de rap qui sort bientôt d'ailleurs. Il note tout le temps les trucs dans le bus là. Sur un Moleskine. C'est avec la tête contre la vitre. Ouais, ouais, tête contre la vitre. Évidemment. Ouais, ouais. Une question pour toi, Ben, quelqu'un qui demande, je sais que tu as fait médecine et maintenant tu es chanteur. C'est très long et dur comme étude. Pour finalement, tu n'as pas fait ça. Est-ce que tu as l'impression parfois d'avoir perdu ces années ou est-ce qu'aujourd'hui tu sens qu'elles t'ont servi à quelque chose? Pour ton métier actuel, je veux dire. Bon, carrément. Déjà, dans le métier actuel que je fais, à peu près tout le monde n'a pas fait les études pour le faire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études. Oui, c'est ça. Donc, tous les parcours ne sont pas ordinaires. En somme, mon parcours est assez normal. que, tu vois, j'ai... Non, mais dans le sens, je pense qu'il voulait dire qu'il t'a nourri, tu vois. Est-ce que ces années t'ont nourri? Ouais, ça m'a carrément nourri. D'abord parce que ça demande quand même pas mal de il faut travailler quand même pas mal et ça demande pas mal de courage, donc ça m'a permis de me dire à moi-même t'es capable, la rigueur, tu vois, donc ça c'est quand même pas mal dans la vie de temps en temps d'avoir des trucs qui te permettent de dire t'es capable. Et ensuite je pense que l'hôpital, l'avantage de l'hôpital c'est que c'est vraiment le fond de l'entonnoir social, tu rencontres toutes les sociétés, celles auxquelles tu t'attendais pas du tout, et tu as une vraie vérité en face de toi, donc ça permet je pense d'un peu mieux comprendre les gens. C'est d'ailleurs pour ça, j'imagine, qu'il y a beaucoup de gens qui sont élus, qui sont des médecins, ce qu'on considère un peu que c'est des sages, parce que voilà, donc je pense que ça m'a servi aussi un peu pour ça. Voilà. Moi, je sais que la question m'est pas posée, je pense. Bah, t'as quand même, oui, si. T'as quand même un album de chansons. J'ai pas fini médecine, mais. Celle où tu dis que t'encules un chien. Voilà. Attends, elle est pas sortie encore. On est en train de la clipper. Non, mais moi je pense que. C'est Chris Macari qui est à l'arrière. Non, mais moi je pense que si t'as le bon état d'esprit, c'est impossible de perdre son temps en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu peux, si tu l'abordes de la bonne façon, tu peux y trouver des choses que tu vas pouvoir reporter dans des trucs qui n'ont même rien à voir en fait, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire une médecine et comme tu dis, ça peut t'apporter des trucs, peut t'apporter une rigueur, ça peut t'apporter plein de trucs auxquels on ne pense pas forcément, même des trucs des connexions qui sont dans le cerveau, qui sont inconscientes en fait. Donc je pense que si tu t'abordes, enfin si tu es avec le bon état d'esprit, que tu dis pas putain mais je suis en train de perdre mon temps, et qu'au contraire tu dis bah c'est une expérience qui peut-être un jour va me resservir d'une façon un peu inattendue, je pense que tu peux pas vraiment perdre ton temps en fait, quoi. Voilà. Oui, et puis tu t'es pas non plus obligé de faire ça pour toujours. Moi j'ai l'impression que mon aventure avec la médecine elle s'est pas brutalement terminée, hein. C'était fini et puis j'avais envie de faire autre chose et peut-être qu'après j'aurai encore envie de faire autre chose. Je trouve ça cool de penser à des aventures. Je trouve qu'aujourd'hui plus personne fait le même métier toute sa vie, tu vois. C'est fini, c'est d'ailleurs assez flippant de se dire bah là je vais faire ça puis jusqu'à la mort en fait après ça. Visiblement. Donc c'est un peu horrible. C'est vrai, hein. Marine, qu'est-ce qui t'a donné l'idée du podcast Vulgaire que j'adore? Le confinement. Et ben non. Est-ce que tu peux rappeler ce qui est vulgaire pour peut-être certains auditeurs qui ne le savent pas? Ah, ça m'étonnerait. Vulgaire, c'est un podcast de vulgarisation. En gros, je prends des sujets. Et c'est de la vulgarisation par quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc, en gros, je prends des sujets. La Rate, Amélie Mauresmo. Là, j'ai fait Jean Moulin, tu vois, cette semaine. J'ai lu Belle du Seigneur, un supplice, bref. Attends, il est énorme, non, ce livre ? C'est 1100 pages. Oh, non, non, 1100 pages horribles. Déjà, lire, d'un mec qui chie sur la gueule d'une meuf. Ok. C'est horrible, bref. Donc, il en tue un chien ou non ? Autant se figurer, hein. J'ai là ce que j'allais dire, il y a une vidéo YouTube de 4 minutes, tout ça. Enfin, il n'y a pas besoin. C'est vraiment. De... Mais. Donc, je prends ces sujets et en fait. qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est parce que j'imagine quelqu'un dire t'as vu Two Girls One Cup ? Two Girls One Cup ? Non, j'ai lu le livre. Donc je prends ces sujets, je les travaille et après je les explique de manière un peu rigolote. Au début c'était plus rigolo que maintenant, je pense. Maintenant je me suis un peu détachée de l'idée qu'il fallait absolument que je fasse rire. Je veux bien expliquer de manière un peu légère. Et l'idée je l'ai eue parce que c'était mon anniversaire. J'étais avec Sophie-Marie Larouille chez moi en Bretagne, chez mes parents. Et Sophie-Marie disait il faudrait peut-être que je propose des nouveaux trucs à Binge. Et j'avais eu cette idée d'un podcast où un spécialiste m'expliquerait quelque chose et moi après je l'expliquerais à Sophie-Marie et Sophie-Marie le redonnerait à sa manière. Ouais. C'était ça la base. Et en fait Sophie-Marie elle a dit ah c'est rigolo et voilà. Et en fait avec le temps moi je me suis dit mais cette idée elle est bien et je me suis dit mais pourquoi je le ferais pas moi. Et en fait c'est resté dans ma tête et puis on m'a dit tu devrais en faire des vidéos parce que c'est YouTube, il faut faire YouTube et tout. Et j'ai essayé de faire des vidéos et ça marchait pas trop en vidéo. Okay. Et en plus le mec qui nous a enregistré, en fait tout a cramé, tout son matos a cramé. Ah, yes. Et donc il a tout perdu. Vraiment, je me suis dit, tout te disait de pas faire de et vidéos. Je me suis dit c'est un signe, voilà, il faut pas que je le fasse. Et donc j'ai laissé tomber cette idée. Et en fait il y a eu le confinement et je me suis dit bon bah franchement j'ai rien à faire. Je vais me lancer là-dedans et j'ai commencé et je l'ai commencé toute seule. Du coup, au début, je voulais faire avec des spécialistes, puis en fait, je me suis dit, là, je suis toute seule, il n'y a que moi, donc j'y vais quoi. Et voilà. Et c'est un carton, ça marche vachement bien. Ça marche super bien et je suis trop contente parce que j'ai un truc qui marche. Donc, non, mais c'est. Puis en fait, surtout, j'ai que des trucs qui tombent et qui... genre, j'ai gagné prix Apple du podcast de l'année. Ça n'a aucun sens. Bah, c'est-à-dire qu'un jour, tu reçois un mail de Apple qui dit bonjour, vous avez gagné, ça sera annoncé mardi. Et tu dis, mais comment vous me connaissez, qui a voté ? Exactement. Steve Jobs. Et je préviens ma mère, elle me dit super, tu vas gagner des ordinateurs et des iPods. Et j'ai dit non, elle m'a dit, ah, franchement, après, avec tout le pognon qui. T'as même pas les 17% de réduction chez Apple ? J'ai rien gagné. Et ma mère a dit, avec tout le pognon qu'on leur donne, alors que ma mère n'a rien de chez Apple. Vraiment, elle dit quand même, c'est pour le principe, je suis dégoûtée, c'est des radins. Moi, j'étais là, franchement, non, je suis trop contente. Parce que le prix Huawei, il te file des trucs, par exemple. Il te file des téléphones. Prix Wiko. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée et puis du coup ça marche, donc je continue, puis je vais en faire un spectacle et je vais faire même un livre. Donc ça, génial, c'est cool. Ouais, félicitations, c'est trop, félicitations. Trop, trop Bérangère. Le merch. Ouais, je fais le merch, le livre de cuisine vulgaire qui va sortir. Oh, tu sais, à un moment le merch on dit non non non et puis au bout d'un moment on se dit oh, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi je te dis que je dis oui. Alors, moi je dis oui à tout parce que ça coûte tellement cher en fait de faire un podcast. Enfin moi en tout cas ça me coûte beaucoup d'argent. J'en ai fait deux et vraiment c'est beaucoup d'argent. Le livre de cuisine vulgaire c'est pas con, hein, soit dit en passant. Bah, ouais. Franchement ouais. Tu expliques comment on fait une pâte feuilletée parce que moi franchement là par exemple la pâte feuilletée je sais pas. Écoute si tu veux. C'est très dur. Pour ton anniversaire surprise. Bah vous pouvez. T'as une semaine. Pâte feuilletée. Ben oui, nous on le sait, on n'a jamais fait le peu d'argent qu'on a gagné, c'est parce qu'on a fait les deux Bataclan, mais sinon on n'a jamais gagné d'argent avec le podcast, tu vois, vraiment jamais de la vie. Mais alors moi ça commence. Ouais, non mais c'est ça, mais parce que tu fais les bonnes démarches, nous. Parce que je fais ça régulièrement et tout, et que mais pour l'instant en fait tout ce que je gagne ne rembourse pas mais par contre je fais quelque chose et ça franchement. Non, c'est parce que, sinon qu'est-ce qu'on fait là ? Enfin moi je saurais pas quoi faire de mes journées en fait. Puis c'est assez agréable le podcast, je trouve que t'as vraiment un retour assez direct des gens avec les réseaux sociaux, les trucs. Les gens ils sont gentils. Et même là, on a fait un podcast de parodie, Bérangère a participé à un épisode. Et c'est fou parce que même les parodies, les gens étaient gentils avec moi. C'est-à-dire que moi vraiment, je me suis dit, les fans et tout, on a fait un podcast féministe. Enfin, moi j'avais vraiment l'impression que tout le monde allait me tomber sur la gueule. Et en fait, non, tout le monde est gentil, les gens partagent. Enfin, je trouve que c'est un univers qui est merveilleux quoi, et j'ai plein d'idées mais j'ai pas assez d'argent. Il y a des belles merdes quand même, attention, il y a des belles merdes dans ce milieu. Bérangère, tu as joué dans des films, as-tu déjà eu envie d'en écrire un? Ah, elle dégueule, elle est en train de dégueuler. Non mais c'est vraiment un Everest pour moi, écrire un film. Je sais pas si j'ai la patience de rester 3 ans dans le même truc pour pas être sûre que ça se fasse. Si demain on me dit voilà, il y a un scénario tout fait et il y a juste à le réaliser et que le sujet m'intéresse, je le ferai peut-être. Ouais. Après, je trouve que c'est un vrai métier et que j'ai pas non plus une expérience de malade. J'observe beaucoup quand je suis sur un plateau, que j'aime bien savoir qui fait quoi, en fait, parce qu'il y a tellement de monde. Au début, t'arrives, il y a 100 personnes et tu te dis, attends, mais tout le monde a une fonction, là. et voilà, mais... Ouais, c'est pas toujours, en vrai. Non, mais voilà, c'est pas un objectif. J'ai d'autres envies avant, mais voilà, je ferme pas la porte non plus. Et tu peux nous parler un peu aussi de Tétard. Alors Tétard, tu es comédienne, mais j'ai l'impression que ça te ressemble. Enfin, tu as de la place dans les textes ou dans les dialogues. En fait, dialogues, on ou... fait dans Tétard. Ce qui est cool, c'est que une série donc sur Canal+, je me permets. Série sur Canal+, saison 2, c'est un couple qui donc saison 1 attend un enfant, saison 2 ils ont un enfant. Et ils tournent ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a le sujet de la grossesse ou de la parentalité. Et en fait, on va partir dans un genre de film. Cinématographique, et c'est ça qui est rigolo. Et après, non, en fait, Tétard, c'est écrit par un homme et une femme, par Xavier Lacaille et Clémence D'Argent, qui a une égalité homme-femme. Et qui sont tous les deux très forts. Voilà, okay. Qui sont très forts. Mmh. À la réalisation, Lola Rocoplo et Jérémy Saint, qui sont aussi un binôme mixte. Et en fait, on fait des lectures tous ensemble avant le tournage. Et là, on se réapproprie, on dit, bah, moi, ça, je le dirais pas du tout comme ça. Et là, en fait, c'est bizarre qu'elle fasse ça, tout ça. Donc, c'est des séances, c'est pas très long à faire. Et en fait, ça change tout. Ouais. Adopte un veuf, on avait fait ça aussi. Et je trouve que c'est. Quand on peut le faire, c'est vraiment. Je trouve. Ça aide vachement de projet, en fait, parce que du coup, tout le monde dit. Ça devient naturel, en fait. Enfin, tu touches au vrai naturel des persos, quoi. Oui, oui. Et puis, ils sont hyper à l'écoute de ce qu'on propose et tout. Donc, c'était chouette. Tétard sur Canal+, sur MyCanal aussi, en replay. Oui. En clair. Une question. Ah, c'était en clair? Ah, ouais, tu peux le mater sur ma canal sans être abonné. Oui, oui. Ah bah oui, faut le dire, c'est important. Bah je le précise, ouais, t'as raison, pour ça, parce ouais, que tout le monde me dit mais je n'ai pas canal. Bah oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Non, parce tu peux que regarder tu peux sur regarder. Ouais. T'as 45 minutes de pub, mais tu peux regarder le truc. Question pour Ben, y a-t-il une raison consciente de qui te pousse à écrire certaines paroles de chansons en anglais plutôt qu'en français? Est-ce que c'est des trucs réfléchis, est-ce que c'est des trucs de feeling? Il y a pas beaucoup, il y a un tout petit peu, oui, là, de temps en temps. Il les a tous cités. Enfin, ah ouais, 5 ans, Providence, Follow. Ah ouais. Et ouais. Ouais. Bah écoute, ok, donc le gars était un vrai fan. Carré. Enfin, je cite sa question parce que je sens qu'il est, voilà, il a besoin de sa réponse. L'anglais, un peu de temps en temps quand je veux que ce soit que musical, en fait, parce que je trouve que dès que tu mets du français, bah c'est le fait de comprendre, c'est une autre émotion, tu vois. Mm-hmm. et parfois l'anglais, le fait de justement pas comprendre, c'est uniquement musical, et du coup c'est assez agréable parfois de pas comprendre. Bah, c'est Navo qui me disait ça se trouve Gims par exemple, on pourrait adorer, c'était sur le premier album, si on comprenait pas exactement ce qu'il disait, parce que parfois, ouais, effectivement c'est un peu fragile sur le texte, notamment ce refrain où il dit « dont je me tire », là où il finit le refrain en disant « mais je le dis juste pour la rime, ouais », tu vois. Mais c'est vrai que sinon la top line, elle pourrait marcher. Parfois, on est un peu parasité par le texte en français. Ouais. Et donc, l'anglais, ça permet de sortir de ça. Et puis aussi parce que parfois, quand je chante l'anglais, j'ai l'impression que c'est comme si c'était tellement différent que ça peut rajouter quelque chose. Voilà, ça fait partie de mon petit panel de trucs que je sais faire. Et j'ai une autre question de quelqu'un qui te connaît bien aussi, quelqu'un qui a assisté au concert Histoire que tu fais, et qui voulait savoir si tu avais prévu d'en faire pour ton dernier album, comme tu l'avais fait avec La Princesse et le Dictateur, que j'ai adoré et qui m'a donné une autre vision de tes textes et chansons. Ah ouais. Quoi, concert Histoire? Bah, mais toi, t'as vu, parce que. Ah, c'est ça. Ouais. Non, on peut expliquer pour les gens. Ah oui, ouais, non, ouais. Mais d'accord, ouais. C'est ce que tu fais. Oui, ce que je fais, ouais. D'accord, je savais pas, je connaissais pas le nom du concert. Bah, je sais pas, moi, c'est genre, le premier. Ah, c'est lui qui l'a dit. Ah, d'accord. Ouais, il a mis entre guillemets. Donc, arrêtez d'inventer des concerts. À la place c'est un concert. Bah oui, c'est ce que tu fais. En fait, ça vient, au départ, ça vient du fait que moi, en tant que spectateur, quand je vais à un concert, assez rapidement, il peut m'arriver de m'embêter. J'avoue. D'accord. Et de me dire, ah, chanson 4, donc il reste encore 7, ouais. Et après ça, fin du spectacle. Ah, ils ont fait antisocial. Voilà, et merde. Ils vont pas revenir. C'est un truc qui m'arrive assez rarement dans les seuls en scène en général, les stand-up ou les trucs moins tristes. Je trouve que les gens s'emparent vachement mieux du temps et de la scène. Et d'ailleurs, parfois, dans les artistes des années 80 comme Renaud ou Souchon, t'entendais entre deux chansons, les mecs pouvaient parler un quart d'heure, et c'était même moi, mes moments que je préférais. Et je suis allé voir. Jacques Gamblin, qui faisait un seul en scène qui s'appelait Heureusement mon cœur scintille, quelque chose comme ça, où il racontait sa vie, et dedans il mettait de la poésie et il mettait de la danse, et je me suis dit que je voulais faire pareil mais sans la danse, voilà, sans la danse. il danse de ouf, Jacques Gamblin. Ah ouais. Il a inventé le zouk, je crois. Ouais, ça vient de lui. Ah, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je fais ça. J'ai pris un micro serre-tête, comme les gens qui sont fondés seuls en scène. Il n'y a plus rien qui ressemble à un concert, batterie, etc. Il n'y a plus cette espèce d'aura, parce que moi, dès que je fais le chanteur, j'ai vraiment l'impression de faire le chanteur et ça me va pas. Et je raconte une histoire, et dans l'histoire, j'y mets des chansons. Et si j'ai envie de prendre un quart d'heure pour raconter un truc qui m'intéresse, bah, je le fais. Et parfois, si j'ai envie de faire un truc drôle, ben j'essaie. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, les gens, quand ils viennent pas voir quelque chose de drôle, ils ont le rire beaucoup moins spontané. Donc le bide est beaucoup plus régulier, on va dire. Et il n'y a rien de plus agréable pour moi, sur scène, d'avoir un rire. Parce qu'un applaudissement, il peut être un peu empathique, tu vois. Ouais. Tu finis une chanson, ça t'a fait chier, t'applaudis quand même parce que le gars, t'es là quand même. Ouais. Un rire, c'est très difficilement empathique. Hein. C'est très souvent. Tu peux pas spontané. Faire semblant tellement, ça se voit. Franchement, tu peux pas. Un tout petit peu, mais c'est vrai que du coup. Après, moi, j'aime bien aller voir des spectacles. Parce que du coup je vois comment je réagis et des fois je ne m'ennuie pas mais je ne ris pas, mais c'est pas grave, c'est ça, tu sais. Mais tout le monde dit, il y a pas longtemps je suis allée dans un plateau et tous les, il y avait pas grand monde, on a des masques, tu vois, mais c'était sympa. Et en fait, il y a plein de gens qui disaient, ouais, ok, bah vous êtes endormi, très bien, bah vous avez froid. Et en fait, non, en fait, vraiment, mais raconte-nous, hein. Enfin, on t'écoute. Et les gens qui marchaient le mieux, c'était ceux qui quand il y a une chute et que le mec il pense qu'il va faire rire, c'est dur quand ça arrive pas quand même. Il y a un truc à lâcher aussi, je pense, avec les gens. Oui. Tu vois, de pas être là, tu ris, ouais. Tu ris ou pas. Mais c'est la gorge. D'ailleurs, dans ton spectacle, c'est pas toujours très drôle. Enfin, c'est pas toujours l'objectif d'être toujours drôle. C'est l'objectif de nous emmener quelque part où on va rire. Même des fois, il y a des trucs qui sont pas censés être drôles et qui font rire. C'était bien de ma gueule. Je viens de parler de ma rupture là. D'accord, très bien. Bah, c'est rigolo ça. Non mais ouais, oui, ouais. Oui. Mais attends, je t'ai coupé, pardon. Non, c'était ça. C'est très bien. C'est voilà l'idée d'emmener le public quelque part. Parfois, tu as envie de le faire rire et il rit pas et c'est dommage. Parfois, tu as envie de pas le faire rire et il rit et ça fait chier. Parfois, tu as envie qu'il applaudisse. Par exemple, tu vois, nous, moi, dans ce que je fais, de temps en temps, tu as envie que le public applaudisse et c'est insupportable, les mecs qui font applaudir le public. Logiquement, il y a des techniques pour que en fait, les gens ont la sensation d'applaudir spontanément, mais en fait, c'est écrit comme ça. Moi, il y a un truc que je déteste dans les concerts. C'est quand le public dit je t'aime et que l'artiste dit moi aussi. Ah ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise en fait. Mais parce que c'est sincère d'un côté et pas de l'autre quoi. Mais oui, c'est ça, je t'aime. Ouais, je suis absolument pas quitté, donc non, je t'aime pas clairement. Mais j'ai vu quelqu'un qui j'ai vu Mathieu Chedid en concert qui réagit toujours de façon très marrante à ces trucs là. Oui, à chaque fois, il fait justement, il désamorce tout de suite. C'est quand quelqu'un lui fait je t'aime, il fait voilà, mais je ne te connais pas, mais ça me fait quand même. Tu fais très bien, ouais, tu non, mais déjà, il y a un truc. Et parce qu'à un moment, moi j'étais allé voir son juste spectacle. Pour quelle est ton imitation de Mathieu Chedid? Je connais pas Mathieu Chedid, hein, je suis allé le voir en concert. Non, mais c'était, j'étais allé le voir, et à un moment, il avait un moment dans son spectacle où il voulait le silence total. Donc, évidemment, c'était très compliqué toujours à avoir pour que les gens fassent un bruit avec leurs mains, et ça donnait l'impression qu'il pleuvait pleut, en fait. Ouais. Ah ouais. Et c'était très joli. Pardon, mais je me souviens de ce. Je suis très enthousiaste, pardon. Non, mais c'était charmé. Ah non, j'ai adoré ce moment. Ah, c'était vraiment charmé. Et moi, sauf que j'étais allé voir au Printemps de Bourges et il était 22h, donc si tu veux, c'était très difficile d'avoir le silence. Et il y avait beaucoup de à poil, et à chaque fois, il arrivait à les désamorcer de façon très marrante. Il fait. Non mais tu comprends, je ne peux pas le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me regardent. Il était vraiment très marrant quoi. Et Souchon, pareil, c'est vraiment du stand-up aussi en plus des blagues quoi, en plus des chansons pardon. C'est beaucoup de blagues. Non mais c'est vrai. Et c'est très drôle. Et c'est très gaulerie. Ah ouais. Très gaulerie. Mais moi dans mes références d'humour, il y a Delerm et Jeanne Chéral par exemple. Ah, voilà. Qui sont très marrants. Ah, mais c'est très marrant. Or au-delà de la chanson, c'est autour, c'est trop marrant. Souchon, il a fait un roast de Laurent Voulzy. Non mais je te jure, il est parti sur 20 vannes sur Laurent Voulzy et il n'y avait pas Laurent Voulzy. Hein. Juste il racontait des anecdotes. Il fait, non, ça parce s'appelle que... du harcèlement. Oh, ils sont potes de longue date. Drôle. Non, mais ouais, c'est vraiment, c'était très très très marrant. Attends, moi j'ai une anecdote mais qui était sur le sujet d'avant. Je t'en prie. J'ai un copain qui est très très fan de Lara Fabian. C'est la frangipane là. Non, il est très très fan de Lara Fabian et un jour il me montre un concert de Lara Fabian en live et il me dit regarde bien et à un moment il y a un silence comme ça et on entend Lara je t'aime, il me dit c'est moi. je suis sur le DVD, j'étais à la fois fier et gêné. On me demande s'il y aura une saison 2 de La Flamme commandée par Canal+. Alors il y aura une saison 2, on peut le dire, mais je n'écrirai pas dessus, et je peux le dire aussi, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc voilà, je vous le dis, je ne... Je sais. Ça sera moins bien du coup. Voilà. Non, je pense que ce sera très bien, parce qu'il y a des auteurs très cool dessus, mais moi en l'occurrence, je ne serai pas dessus. Quelqu'un nous demande quels sont les pires cadeaux de Noël, mais par contre j'ai d'autres projets, on peut te demander du coup, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais autres projets, ouais, voilà. Non, je peux pas trop dire les autres projets, mais j'étais scénariste sur La Flamme, et en fait on fait d'autres projets avec la même équipe, dont Jonathan Cohen, et donc du coup ça faisait beaucoup de trucs, donc moi je d'accord. lui dis... Ils ont délégué quoi. Bah en tout cas moi j'ai délégué, non je crois que Jonathan est auteur dessus quand même, mais moi j'ai délégué, et Jérémy Galland également, Mais moi j'ai délégué parce que j'ai dit je peux pas tout faire quoi. Et c'est quand la première fois de ta vie que t'as eu un projet sur lequel tu pouvais pas parler? Parce que moi j'ai jamais eu ça moi. Moi j'ai jamais eu un truc où je pouvais pas le dire. Bah non, j'aimerais bien avoir un truc, je peux pas le dire encore mais. Bah non mais là en fait c'est des trucs où tu sais t'es pas sûr que ça se fasse en fait. Ouais, en fait je pourrais le dire mais ça. Si ça se fait pas j'ai l'air ridicule. Ah, je dis, bah là, j'ai un super film avec Diane Kruger et Catherine Deneuve. D'accord. Ah, c'est pas que c'est pas que tu n'es en fait. C'est pas que t'es tenu par. Non. Bah, parfois. Aussi. Parfois, t'es tenu aussi. Ah, quand même. Parfois, ouais. Ouais, mais c'est plus rare. C'est juste parce que. En tout cas, sur mes projets, c'est très rare. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ça vous est déjà arrivé? Bah oui. Et moi, c'est même déjà arrivé de parler de trucs qui ne sont pas faits. Ah ouais, bah moi. Le nombre de films. Moi, une fois, vas-y, pardon. Le nombre de films que j'ai lus et le nombre que j'ai fait, enfin, ça n'a le ratio, il est pas ouf. Ah oui. Ah ouais. Que t'as lu et que t'as dit je le fais. Bah, que j'ai dit ok, et puis qui s'est jamais fait, que j'ai pas de nouvelles, je t'écoute même plus, j'attends rien en fait. Ah ouais. C'est quoi ton anecdote? Ah ouais, bah mon anecdote c'était premier album, donc j'y croyais à fond, hein. C'est moi, ça y est, j'étais signé en maison disque, je pensais que ça allait cartonner. Et donc ils me disent ouais, allez, donc la semaine prochaine tu vas faire le Grand Journal. À l'époque il y avait le Grand Journal. Ah, putain, un truc de ouf, j'allais faire le Grand Journal, j'en revenais pas. Et il se trouve que j'ai rendez-vous avec mon banquier. À qui je dis super fier, bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis bah, je suis chanteur, bah, d'ailleurs la semaine prochaine, mercredi prochain, je fais le Grand Journal. Et il me dit ah bah génial, bah, je vous regarderai. Et évidemment, bah, je me suis. Ils m'ont. J'ai jamais fait le Grand Journal. Il y a toujours. Ils te disent tu vas le faire mercredi, puis s'ils ont mieux, en fait, ils mettent quelqu'un. Il y a Gallagher. C'est, voilà, c'est bon, au cas où il y a personne, tu le fais, mais il n'y a jamais personne. Et du coup, après, il faut retourner voir le banquier et te dire ah oui, donc c'est vous le chanteur. Le chanteur mytho. C'est ça. Et c'était bien le Grand Journal. Ouais, très très génial. Il est sympa Deniso, ouais, ça va, ça va. C'était très désagréable. Changer de banque. Là, c'était la banque postale aussi. Quels sont, alors une question plus large, quels sont les pires cadeaux de Noël que vous ayez reçus et surtout qu'en avez-vous fait? Parce que je viens de recevoir un cadeau parfum Scorpio Rouge et je ne sais pas quoi en foutre. C'est intéressant. Bah c'est, je crois que tu tais, hein, tu les prends et tu tais. Ouais. Malheureusement, ouais, j'ai jamais pas... eu. Attends, on a parlé de ça il y a pas longtemps, j'ai l'impression. Ah ouais? Ouais. Ah oui, mais là il y a d'autres invités. Ouais, non, d'accord. Toi, t'as déjà eu. Je sais pas, non, mais je peux parler un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait de toute ma vie. Ah, bah, c'est plus positif. C'est Bérangère Krief qui me l'a offert. Oh là là. Pas, pas. Un don de sperme. Un jour, on est dans. Parle plus. Comment tu sais? Ça sent. Un jour, on est dans un aéroport. Et Bérangère me dit tu vas rire fort et tu vas rire longtemps. Et j'ai ri fort et j'ai ri longtemps. Et c'était une photo. Enfin, c'était un. En fait, l'anecdote, c'est que. En fait, parle bien dans ton micro. Là. Au début de ma notoriété, je. Comment dire, je reçois des Google Alerts. Alors, je suis. Genre, dès qu'il y a quelqu'un qui dit mon nom, je reçois une Google Alert. Et j'ouvre ce mail et je vois le document et je le referme immédiatement. Je plonge dans un mutisme pendant près de 24 heures, 48 heures. Ah, tout de même. Et je le montre à mon copain de l'époque et qui hurle de rire. C'est quelqu'un qui m'a dessiné, qui a trouvé ça si bien, qui l'a mis sur Internet. Ça, j'adore. Voilà, donc mon plus beau cadeau, c'est ça, mais encadré. Ah ouais. C'est Bérangère dans les toilettes de chez Marie. Il n'y a rien. Et attendez, ce qui est incroyable, tu peux enlever ton. Ah, il y a la robe. Attendez, y a la robe. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle peut le faire. Elle peut le mimer. Alors, en termes de podcast, ça ne va pas se faire, mais attendez. C'est magnifique. On en a fait un sketch quand on faisait Boobs and the Gang à l'époque. C'était à l'époque quand t'avais encore ta prothèse de hanche. Voilà. Mais on en a fait un sketch et c'était trop marrant. Des plus beaux cadeaux qu'on m'ait offert. Enfin, que c'est Bérangère qui m'a offert ça d'elle dans un cadre. Ça fait 1h46 qu'on parle. C'est à vous de parler. C'est les 3 minutes du ça peuple. Fait 1h46. Salut Flaubert, salut Adrien. Je voulais vous demander si vous aviez déjà eu cette expérience. Vous avez vos petits projets, vous avez vos petits plans. Et d'un seul coup, une pandémie mondiale vous nique la gueule. Voilà, c'était pour savoir si vous avez déjà eu cette expérience. En direct de la récréation de mes petites sections, où une élève est venue avec une patte de poulet, enfin plutôt un pilon de poulet, et ce matin. Et quand on demande à la maman pourquoi est-ce qu'elle vient avec un pilon de poulet, elle me dit qu'elle ne voulait pas déjeuner ce matin. Elle a eu faim avant de venir en classe. Du coup, j'ai arraché une patte de poulet du frigo pour lui donner. Ouais, je voulais savoir en fait si tu m'entendais bien. Voilà. Salut l'équipe. Je voulais vous raconter une petite histoire vite fait. Donc en gros, je vous explique. Avant-hier, j'étais en train de conduire et tout, tranquille. J'écoutais la radio et j'écoutais une radio qui s'appelle Le Move. Vous connaissez. Bien sûr. Et ils faisaient un concours pour gagner un iPhone 12. suis en train de conduire et du coup je prends le téléphone pendant que je conduis. Pas bien ça. Et bah, à ce moment-là, j'appelle et tout. Une fois, deux fois, ils répondent pas. Trois fois, quatre fois, cinq fois, ça répond. Je participe enfin à un tirage de sort. Deux secondes après, accident de voiture, je tape sur un mec. Le mec de devant n'a pas le permis, n'a pas d'assurance. Les flics débarquent, ils l'embarquent. Moi, ben, du coup, j'étais responsable. Enfin, j'étais responsable de l'accident, quoi. Et en gros, je suis dégoûté. Vraiment, ma voiture morte, la voiture du mec morte. Je suis au bout de ma vie. Je rentre chez moi sans ma voiture au remorquage. J'arrive, j'ai 6 appels manqués de la radio. J'avais gagné un iPhone 12, mais j'ai fait un accident. Voilà les gars. Déjà ravi que vous repreniez les podcasts. Et ensuite, je pense que le montant de la valise RTL est à 4 163 euros. Salut Florence, salut Adrien et salut à tous les auditeurs et auditrices du Floodcast. En fait, je voulais dire aux auditeurs et aux auditrices du Floodcast que parfois la vie amoureuse, c'est pas comme dans les films. C'est pas on rencontre quelqu'un à 25 ans, on vit quelques années avec, on s'installe, on l'épouse, ensuite on a des enfants et tout ça. Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de parents célibataires. Et moi personnellement, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que même si j'avais jamais imaginé ça, j'ai rencontré ma compagne il y a 4 ans et elle avait déjà un petit garçon d'une précédente relation. Et franchement, c'est pas évident au début. Je connaissais peu de gens dans mon entourage qui pouvaient me conseiller là-dessus. Et c'est pas facile de construire une nouvelle vie, de trouver une place, d'accepter d'être, trouver une relation avec l'enfant, d'accepter de vivre avec l'autre parent présent dans sa vie. Et puis de construire cette nouvel équilibre qui est un petit peu différent des codes habituels. Mais voilà, je voulais partager ça parce que malgré les embûches, malgré toutes les disputes, malgré les moments difficiles, on a réussi. Et maintenant, on a un deuxième garçon tous les deux qui vient d'avoir 2 ans. Donc voilà, si un jour ça arrive à l'un des auditeurs ou l'une des auditrices du podcast, sortez-vous de la tête les codes classiques des relations. Oui, ce sera pas facile, oui, ce sera différent, mais vous pourrez vraiment vivre de choses vraiment magnifiques. Salut, ça fait 50 fois que je refais ce vocal, je sais pas comment vous raconter cette anecdote. Mais en gros, avec des potes, on a loué un Airbnb à Saint-Étienne. Et l'un de mes potes a, pendant qu'on dormait tous, et en fait il a juste chié comme ça, même le transat, genre il avait baissé son froc et il a chié comme ça. Sur le balcon. Voilà, c'est tout, l'anecdote s'arrête ici. On est d'accord que chier à même le transat sera le titre de l'épisode. Évidemment. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Je vais rappeler quand même l'actu un peu de tout le monde. On n'a pas d'actu, putain. Oui, les petits théâtres. Non, mais si, il y a quand même Bérangère, toi tu as Tétard, donc du oui, coup. Bah, ça y est, c'est fait. Allez voir, c'est à vous de jouer maintenant. Justement, bah, voilà. Alors, c'est Tétard saison 2 sur Canal, en clair, gratuit, My Canal, tout ça. Tout ça, et on espère du coup le retour de l'amour. Ouais, bientôt, je sais pas. Là, c'est quand ça ira c'est en Inch'Allah total. Inch'Allah. Et puis après, non, j'ai des projets dont je peux pas parler parce que peut-être ils vont pas se faire. C'est ça. Et j'écris une série. Ah, ce qui est bien, peut-être ne sera pas aussi. Donc, on verra. Ah, donc la meuf a dit j'ai pas envie d'écrire un film, mais elle écrit une série. Donc en fait, t'écris quoi. Oui. Bah tu voilà. Fous notre gueule en fait. La question c'était un film. J'ai répondu à la question sur un film. La vie est faite de précisions, tu as raison. C'est vrai. Ben, donc ton album Paradis. Voilà, mais c'est pareil, qui est sorti le 6 novembre. Les dates, elles reprennent, comme tu dis, Inch'Allah, on verra. pour l'instant, on a tout décalé février, mars. On verra peut-être Inch'Allah. Avril. Ouais, voilà. Et sinon, sinon j'ai fait la musique d'un film. Oh, trop bien, stylé. Ah ouais, un film de qui sort quand François. Ah bah non, il sort pas. Ah, François Ozon. François Usan. Ah, Usan. Ah oui, mais c'est stylé. Mais je devais jouer dedans peut-être, mais j'ai fait le casting, mais j'ai pas été pris. C'est le truc qui était en Grèce avec les parents, avec Jacques Gamblin. Voilà. Ah putain, il était trop bien ce film. Bah tu vois, ça, j'étais dégoûtée de pas être prise. Ah, c'était génial. Qui devait danser d'ailleurs dans le film. Jacques Gamblin. Il danse. Childish Gambino. C'était trop cool à faire. En plus, j'adore crâner avec ça parce que je trouve ça super chic de faire des musiques de films. Ouais. De ouf. C'est trop bien. Je le dis. Voilà. Très bien. Très classe. Bravo. Non, c'est très bien. Mais attends. Marine. Oui. Bah moi j'ai un podcast. Bah oui, j'en ai plusieurs. J'en ai deux, bientôt plus. Peut-être qu'on en écrira un. Ouais, c'est mais on peut pas en parler. Après les j'ai gens vont être. J'ai l'impression que vous êtes en train de teaser un truc ou je rêve. Faut qu'on en parle plus. Ouais. Mais c'est dans les cartons. Ouais. Et oui, et donc il y aura aussi Vulgaire le spectacle. Bientôt, normalement à partir d'avril, en tournée dans toute la France pour la création, je serai avec mon petit frère sur scène, mon petit frère qui vous adore. Oui. Ah, donc je lui fais la dédicace. Ah bah, tu comment s'appelle? Et on s'en fout. D'accord. Wow. Non, il s'appelle Romain. Il s'appelle Romain. Et donc, il a appelé son fils Roger. On va pas le juger, mais. Roro, ça fait un double Roro, je comprends. Voilà, c'est ça. J'ai failli m'appeler Robert, donc je peux pas juger. Donc, Robert, parce que mon père était fan de The Cure. Et donc, il voulait m'appeler Robert. Ah, mais j'ai entendu Smith. Ça, dans... j'ai écouté un épisode. Enfin, ma mère lui a expliqué que. Je lui ai expliqué. Ah non. J'ai peut-être pas Chico, mais je m'appellerai pas Robert. Ma mère lui a expliqué que ça faisait Robernard, donc c'est. C'est impossible. Voilà. Donc, vulgaire et parodicast. Et parodicast. Et puis, donc voilà, tous les spectacles, Fearless, La Lesbienne Invisible, tout continue dès qu'on a le droit de recontinuer. Ah, Fearless, c'est quoi ? Excuse-moi. Pardon. C'est du stand-up. C'est d'accord. Moi. En fait, j'ai fait mon deuxième spectacle. Je pensais que t'avais arrêté Fearless pour La Lesbienne Invisible. Non, en fait, non, en fait j'ai fait Fearless après La Lesbienne d'accord. Invisible. D'accord, autant pour moi. Autant donc pour j'étais moi. Sur plusieurs plans. Voilà. Et donc là, vulgaire le spectacle. Génial. Adrien ? Bon. Si, Adrien, il y a la série, il y a des trucs qui sont sortis. Comment ? Bah non mais aussi il y a eu Derby Girl, Cole. Oui, mais ça fait 1000 ans, mais ça. Non, mais les gens peuvent regarder encore, c'est le principe du streaming. Il y a Derby Girl. C'est ça qui est cool, profite d'être en streaming. Bah, je vais dire Groom saison 2 aussi. Bah oui, d'accord. On balance. Groom saison 1 peut-être. Et même oui, c'est là aussi. C'est là non aussi. Mais voilà, Derby Girl. 25 euros de droit d'auteur. Slash. Parle pendant que je le dis. C'est vrai que c'est 25 euros de droit d'auteur par contre. 25 euros de droit d'auteur. Calls, une petite apparition dans Calls. Et puis j'oublie, il y a toujours le show de Noël de Manu Payet qui est, Payette, pardon. Mais dans ce qu'on en a pas beaucoup parlé. Payette. On dit Payette. Ouais, ah ouais. À la Réunion, on dit Payette. Mais non, mais c'est bien d'en parler parce que on n'a pas pu le teaser avant parce que c'était pas fait. C'est vrai. Et du coup, là, on reprend longtemps après. Voilà. Mais si vous êtes abonné Macal, pour le coup, c'est pas en clair, oui, c'est dispo. Ouais. Voilà, il y a Adrien qui joue dedans. Qui a aussi écrit dessus. Écrit, et voilà. Mais j'oublie Fantasme d'Eléonore Coste, surtout, c'est ça. Je me disais bien, j'oublie un peu. Ah, j'ai adoré. Il est très très bien. Bah, merci, c'est très merci très bien. Pour elle. Et oui, sorti fin décembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Un très beau film d'Eléonore. 50 minutes gratuit sur YouTube, quand même. Voilà, faut le dire. Tourné en 5 jours. Ouais. Avec plein. Audrey Pierrot, Sébastien Chassagne qui sont super, Eléonore qui est super. Ça a l'air de bien marcher, donc je suis très content pour elle. C'est beau, ça joue bien, c'est super. Et voilà. Voilà. Donc voilà, puis des trucs. Et donc un film qui va sortir, je sais pas quand, où j'apparais aussi. Mais je crois que c'est dans pas longtemps. Hein. Enfin, pas très longtemps. Je crois que j'ai lu à mars ou avril, un truc comme ça. Ah bah, ciné mais c'est avril. Ciné ouais. Donc ce serait magnifique. Inch'Allah. Inch'Allah, toujours. Voilà. Voilà, bien quant à moi, La Flamme saison 1, effectivement, sur MyCanal. J'ai vu que Kian et Navo avaient sorti un bon moment aussi que j'ai fait avec Le Caplain. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. On parle. D'écrire en binôme, donc il y a Ken et Navo qui en parlent et nous aussi avec Baptiste sur MyCanal. Et je crois que c'est en... non mais c'est sur YouTube aussi. C'est sponsor cette émission. Ouais, on bosse beaucoup pour MyCanal. Essaye de taffer un peu. On en profite, on sait pas si hein. Bon. Hein et donc du coup, c'est sur YouTube, c'est sur le YouTube de Kian et aussi sur MyCanal et la BD Oli et l'Alien disponible absolument partout, voilà. Et j'espère, c'est quand la situation sanitaire le permettra peut-être, de pouvoir reprendre des dédicaces parce que je n'ai pas pu défendre cette BD et c'est un milieu où c'est difficile de sortir des trucs sans pouvoir trop les défendre. Et donc voilà, on avait surtout que la seule dédicace qu'on a faite à Lyon, on l'en a fait pendant 6 heures et il y avait 105 personnes. Donc, 105 BD signés. Donc voilà, j'aimerais bien en faire d'autres. Donc sachez, parce que j'ai reçu des messages de gens, et j'en rêve. Ils t'attendent. J'en rêve, non mais en plus, on a essayé de trouver des techniques un peu, tu vois, où les gens m'envoient une photo de la BD, on leur envoie un truc numérique, mais bon, ça ne remplacera jamais. Pareil, ouais. Ouais, c'est ça, ça ne remplacera jamais le fait de rencontrer les gens. Et donc voilà. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Merci, voilà. Merci, voilà. Gros prenez bisous. Prenez soin de vous, ciao. Merci bye. Beaucoup. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.